J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui! Bonjour mais à what tous! Et bien un petit indice! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Floodcast, le 14e de cette année 2018. Comme à l'accoutumée, d'ailleurs pas tant quant à l'accoutumée, parce que souvent il y a trois invités avec nous autour de la table, il n'y en a que deux. Parce que, mais parce qu'ils en valent trois au final. Pas leur popularité. Pas quatre oui. Non plus, quoi. Ouais. Ouais, non, pas déconner, nous sommes tout d'abord avec Pierre Lapin. Bonsoir, Voilà, bonsoir, merci de ton invitation, Flaubert. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas ? Oh là là, je suis photographe, vidéaste, animateur avec mon compère de la chaîne YouTube Le Club Officiel. Ah bah, on l'invitera peut-être un jour. Bah oui, bah j'espère, mais bon, c'est vrai que ça fait trois fois que je viens et lui jamais, quoi. Il est un peu triste, mais bon. Et voilà, et puis je roule ma bille un peu sur Twitch, et voilà, je m'amuse et c'est la passion avant tout. Et nous sommes également avec... Guillaume Malissa. Mais juste ah oui, c'était la blague. C'était le petit gag au final. J'espère que les auditeurs ont pas arrêté d'écouter du coup. Ah bah merde, c'est pas celui-là alors. Oh, j'arrête. T'inquiète pas. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas ? Je m'appelle Guillaume, j'ai le podcast culinaire Bouffon, j'ai aussi une chaîne YouTube de cuisine qui s'appelle Hangover Cuisine. Exact. Je fais le club avec Pierre, mon ami de toujours, et j'ai aussi je pratique le stand-up et avec une scène qui s'appelle L'étage marrant à la brasserie Barbès. Qui est une petite nouveauté d'ailleurs, je crois. Avant c'était le dimanche marrant. Oui, c'est vrai, et depuis quelques temps c'est étage marrant parce qu'on est passé à 3 jours par semaine, vendredi, samedi et c'est dimanche. C'est sa peau contre sa peau. Et je suis avec elle. Je suis avec elle, évidemment. Nous sommes également, comme à l'accoutumée, avec Adrien Méniel. Adrien Méniel, peux-tu te présenter pour les gens qui te connaissent ? Vous n'avez pas applaudi. Ouais, bah, non, tu l'as ouais, mal pris. Peux-tu te présenter pour les gens qui te connaissent peut-être pas ? Bah, Adrien Méniel, sapiosexuel. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? En fait, c'est quand les gens sont vraiment stupides. J'ai pas envie de passer du temps avec eux et par conséquent, par extension, pas envie de faire l'amour avec eux. C'est ouais. Fou ça. Ouais, ouais, mais vous c'est êtes combien en France ? On est très peu. Oui, c'est très, ça. Mais ça veut dire que du coup. Je suis surdoué en fait, j'avais oublié de dire. Parce que je suis surdoué donc ça va de pair en fait. Okay. Ça veut dire que t'es. Du coup, quand tu vois par contre quelqu'un d'intelligent, là par contre. Bah, pas forcément, mais ça peut quand même. Ouais. Imaginons quelqu'un de par exemple très très beau, une fille magnifique ou un homme magnifique. Si par exemple la table de 8 bof. Ça t'excite ou quoi ? Non. Ah ouais, non. C'est ça, donc pas du tout. Non, c'est vraiment. Après, si elle est. Ouais, si elle est très belle, oui. D'accord, ouais. D'accord, ok. Je suis pas vraiment sapiosexuel après, c'est alors. Hein. C'est un spectre. La sapiosexualité, c'est un spectre. Donc, quelqu'un qui serait un peu stupide, mais vraiment beau. D'accord. Mais alors, juste. J'y vais. Je vais juste au bout de. Mais c'est juste pour en apprendre plus, tu sais, moi. Surdoué, je... hein. Oui, c'est ça, c'est surdoué. Quelqu'un de vraiment stupide, mais genre vraiment débile, hein. Mais vraiment bonne et chaude pour te coucher avec toi. Genre tout de suite là ? Ouais là. J'y vais. Ouais, c'est ça. Ok. Mais après c'est voilà. C'est l'exception qui confirme la règle. Ouais, c'est ça. Oui, oui. C'est ça. Faut arrêter de mettre les gens dans des cases aussi quoi. Oui, parce qu'après aussi il y a différents types d'intelligence. C'est oui. Ça. C'est ça. L'intelligence du cœur. Émotionnelle, sexuelle. Les amis, merci beaucoup. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait, Adrien. Bah, oui. Je suis très content. Bah oui. Moi j'étais pas là pour Harry Potter. Oui non, Harry Potter j'étais pas invité parce que t'es pas. Ouais, je suis pas. Oui, je n'avais pas ma place tout simplement. Tout simplement. L'humilité. Voilà. Parce que t'es un putain de moldu, j'ai l'impression. Ouais, il a clashé, il t'a bien clashé. Sans de boue. Sans de boue. C'est dit pas un truc. Non, non, sans c'est boue, pas boue, un mal blood. Faut savoir que Clara, pour des raisons tout à fait mystérieuses que je cache au public, est dans la pièce oui. Et me fait des yeux. Non mais je on dit, te elle te jette des sorts, j'ai envie de dire. C'est pas mad blood en anglais. J'en sais rien. Sans de bourbe. Voilà, c'est sans de bourbe. C'est quoi la bourbe? C'est de la boue. Putain, la bière bourbe. Voilà pourquoi on l'a pas invité. Voilà pourquoi on l'a pas invité. Si ça existe. Oui, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, parce qu'on a déménagé en fait. Enfin, toi. Oui, oui. Les studios de Floodcast ont déménagé. Studios. Bah ouais, toute l'entreprise. L'entreprise Floodcast a bougé les murs. Donc ça a pris du temps. Donc ça a pris beaucoup de temps, parce que bah voilà, il y a quand même 4 micros, 4. On peut le dire, parce que l'entreprise Floodcast s'agrandit. Ça s'agrandit. Nous allons sortir un tout nouveau podcast. C'est faux, c'est vraiment mais non. Faux. Non, sur les. Ouais, j'ai ouais, pas de bah, attention, ouais. T'as fait. Ou t'en avais que tu voulais pas sortir. Ouais, j'ai failli vanner des gens qui m'ont rien fait. Des collègues. Tout simplement des collègues, comme on dit. Des frérots des gens à qui j'aurais de la force au maximum. D'accord, exactement. Donc oui, ça fait longtemps qu'on a parlé, donc je suis très content. content. Mais on ne change pas une équipe qui, bon, qui gagne viteuf. Qui gagne pas d'argent, ça c'est persuadé. On est d'ailleurs le seul podcast qui ne gagne pas d'argent actuellement, je tiens à le dire. Pas de Patreon, pas de placement de produits, pas de. Non, on est les seuls. La passion. Uniquement la passion. Non, je l'installe un peu parce qu'en fait, un peu plus tard dans le podcast, on va vous parler d'un. Non, on va parler d'un épisode payant, mais j'en parlerai avec Pierre pour un peu plus tard. Wink, wink. Mais on ne change pas du coup, comme je le disais, une équipe qui gagne. On va faire un petit tour de table pour vous partager avec les auditeurs un truc que vous avez kiffé récemment dans le milieu culturel français, anglophone, international, j'ai envie de dire. J'ai envie de commencer par Guillaume. Et on n'est même pas vendredi d'ailleurs, Adrien. C'est vrai. Sauf peut-être les gens qui écoutent. Qui l'écoutent le vendredi. Et en ce cas, vendredi, tout est permis, tout simplement. Moi, je voulais parler de la reprise d'Iphigénie en Tauride au théâtre des Champs-Elysées. D'accord. Je suis un peu sexuel, mais quand même. Si c'est comme ça que tu crois que tu vas me pécho, mon gars. Ouais, super, je voulais faire tout un truc et tout. Vas-y, pardon, on est des salauds. Non, vas-y. C'est pas ça du tout, en plus, je voulais parler. J'avais bossé un peu plus, quoi. Tu vois, je voulais le jouer, quoi. Vous m'avez. Merde. Est-ce que si t'avais de l'herbe sous le pied, tu le dirais qu'on avait un petit sécateur? Et là. Oh, mais pourquoi cette personne? Il a coupé mon herbe sous le pied. Oh, vous parlez de Léopold. Non. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied en me coupant l'herbe sous le pied. C'est génial ce qui vient de se passer. Les auditeurs l'ont remarqué. J'ai rien compris. Ouais, mon coup. Oui, parce que oui, j'ai compris moi. Mais alors en fait, le truc, c'est que je viens de penser que ma recommandation pourrait être plus dans le récap de 2018. Parce qu'elle est quand même un peu vieille. Donc. Alors je continue le tour. Je continue le tour. Je vais réfléchir. Ça va m'inspirer peut-être. Moi, c'est Pierre Labzouze. Reco. Putain, j'ai fait des séries. Ouais, j'ai fait Bodyguard, mais j'en ai déjà parlé dans le club. Oui, mais peu de gens regardent, donc n'hésite pas à nous dire. Non. Les balles sont tirées, les mots sont durs. Bref, Bodyguard sur Netflix, encore une fois. Ah bah non, toutes les séries sont sur Netflix. Il y a beaucoup de choses. Regardez droit dans les yeux. C'est les invités du podcast. Cette phase du podcast en fait. Des recommandations. Ouais, ça me casse les couilles. Je dis allez-y, bah, allez parler de votre enfance difficile, de votre adolescence. Je dis allez, c'est bon, vos chaussettes. Ouais, on est parti sur un concept cette année, un podcast, c'est que des gens qui détestent les émissions. Non, mais ça me saoule. Bah les recos, une série Netflix. Celle que vous voulez. Tu peux dire Netflix juste. Netflix, non, pratique. Bodyguard, ouais, le c'est pas mal. Le Téléthon Gaming est déjà bien loin, j'ai l'impression. Voilà. Une fois que l'oseille est récoltée, les animaux bien torturés, il n'y a plus personne. Pardon pour le lampshading. Oh la page. C'est vrai que je passe des très bons moments sur Twitter en ce moment. Mais bref, je ne vais pas me victimiser comme un vrai youtubeur. Et du coup. On est vraiment dans le club là. Pardon, excusez-moi. Non, je suis allé voir Damso en concert. Mais est-ce que c'était bien? Et c'était trop bien. Et Sophie Girard. Oh, pas mal. Un pas petit mal, mash-up. Pas mal. N'oubliez pas qu'il faut jouer le mash-up normalement. Dame Sophie Girard. Ah ouais, non, mais je le fais. Ok. Damso, il a fait quoi comme chanson déjà? Parce que je suis blanc, très blanc. Ah, mais tu veux que je te fasse vraiment un des recours? Non, là c'est la Macarena, c'est ça? C'est lui ou pas? Macarena, tout court, ouais, exactement. Oui, la Macarena, c'est pas du tout. Mosaïque solitaire, tu sais, donc il a fait un concert à Bercy et je me dis que le mec a un niveau de ouf tout seul à tenir la scène. Ah, il a rempli Bercy. Ah oui. Ah, stylé. Il est effectivement vieux. Il y avait tous les featuring, il y avait Angèle, Orelsan, Kalash, c'était un moment absolument incroyable. Kalash, criminel. Non, pas criminel. Il y a eu un attentat à Bercy, on l'aurait su, je pense. Ouais, tu m'as fait peur. Tu me dis le mot attentat, il fait wow, quoi? Je chie sur moi, ce qui est hyper bizarre. C'est ça, en fait. C'est clair. Plutôt sain. La victime. Pierre, peur des attentats. Tu lui apprends qu'il y a un attentat, le mec il est là, genre quoi? Attentat. Gros nul, mec. Gros nul. T'es un homme ou quoi? Mais non, j'ai passé un très bon moment. Ça, c'était une belle reco, mais tout le monde connaît un peu Damso, sauf toi qui est très très blanc. Oui, oui, non, moi j'ai jamais écouté. Moi, moi je connaissais Macarena et c'est tout. Je connaissais pas. Ouais, ouais, ouais. Je suis plus old school, moi. Après, ouais, j'ai pas envie de me griller des cartes et blanc donc. Oui. Pour le coup, ouais. Non mais alors regardons Adrien Meunier. Et sinon Fortnite. Ah bah Fortnite, vraiment, on va c'est en parler jeu. J'ai l'impression ah que... Ah mais attends, parce qu'il y a McFly et Carlito en... Oui, ils ont découvrir, fait découvrir ce jeu. Exactement, ouais. Petit truc un petit et peu ça de niche. C'est le Battle Royale. Et ça va cartonner d'accord. cette année. D'accord. Mais est-ce que d'ailleurs c'est 2018 Fortnite? Non. Non, c'est bah, ça a un an et demi Ah c'est un... Okay. Non mais ah, ouais, d'accord, ouais. Je croyais que c'était cette année. C'est la 7ème saison là. Donc c'est old. C'est un peu old. Adrien Meunier, qu'est-ce que tu as apprécié récemment? J'ai deux choses qui ne sont pas neuves non plus. Mais après tout, c'est jamais Fred Teston. La première, c'est la série Please Like Me. Please Like Me, c'est. Désolé à mes amis. En fait, c'est assez dur. Ça fait partie de ces séries qui sont assez dures à raconter parce que c'est juste la vie d'un gars et ses potes et ses parents. mais c'est vraiment... C'est Z70 Show, en fait, là, que tu viens de... Bah ouais, ou Seinfeld, Friends. Ou Friends, ou plein de trucs, mais c'est vraiment... Alors, la particularité, c'est que ça commence sur le fait que, en gros, le tout début de la série, c'est le mec se fait larguer par sa copine, et lui dit « Ah bon, mais pourquoi ?» Elle dit « Bah, en fait, je sais pas, je trouve que c'est moins bien entre nous, puis aussi, t'es gay. » Et, ah oui. Et il fait ah, et en fait il découvre qu'en fait il est gay. Parce qu'elle enfin, l'a dit. Non parce qu'en gros il se l'a su, il se le... Très grosse force de pouvoir persuader. Il... Non mais sans doute il était dans le déni. Ah oui, du coup le fait que ça a été genre, il a dit oui bon déni Hopper quoi. Déni Hopper, ouais. Déni Hopper. Denis Hopper. Ah oui, Denis Hopper, oui, bien sûr. On vous prévient, il y en aura peut-être quelques-uns. Déni la malice. Oh oui. Déni la malice RTL. Dénil. Ah non, on va se marrer. J'avais dit qu'on allait faire des jeux de mots. Guillaume est au sol, j'ai presque l'impression qu'il est même en PLS. J'ai l'impression. Oh. Moi j'ai amené ma ventoline. Ah, attention, attention, il s'est fait mal, il saigne. Oh, Guillaume a mal, il saigne. C'est JPP tout simplement. Non, c'est super. C'est vraiment une très très. C'est... Voilà, c'est tout. Like Me, c'est dans l'univers un peu des réseaux sociaux, Tinder, tout ça, pas du tout. Pas du tout. Okay. C'est dans l'univers de Spider-Man. Mais du coup, nul le jamais. Ouais, c'est quoi dans une autre ville en fait. Non, c'est plus un truc sur l'envie d'être aimé dans la vie, plus que le. Hein, ouais, parce que dès qu'on dit like, alors on pense Facebook. Bah, c'est ça. Avant, moi, j'écoute trop 16 en ce moment, c'est pour ça. Ouais. Et toi, Flaubert, et une chaîne il fait la blague parce que Flaubert a quitté la oui. table. Non, et une chaîne de cuisine qui s'appelle Peaceful Cuisine. OK. Et qui est la meilleure, il y a pas eu, enfin vraiment c'est mille fois mieux que toutes les chaînes de cuisine sur YouTube. Vraiment, la cuisine où t'es un peu foncé de la veille tout ça. Tout, c'est, non, c'est non mais toutes les autres chaînes, c'est moins bien. C'est de la merde. Même toutes les autres chaînes cumulées. C'est ça. Si elles se mettaient ensemble qu'elles faisaient une vidéo. Ce serait moins bien que la chiasse par rapport d'ailleurs, à d'ailleurs, petite anecdote. Une des plus vieilles youtubeuses dont on avait parlé, Guillaume, souviens-toi, ouais. une cuisinière indienne est décédée. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ah oui, j'ai vu ça sur le Discord du club. Ah bah voilà, les clubs Zouz qu'on voilà. salue. Tandis que Flaubert. Coupe une pizza. Coupe une pizza. Et ça me fait, en parlant que de pizza. Moi-même. Oui. Bah, tu l'as fait toi-même, un peu comme le mec de Peaceful Cuisine. Voilà. Qui fait donc à manger. Et il y a un truc qui est. Assez bon, déjà c'est de la bouffe végane, donc moi ça me plaît particulièrement. Ça te régale. Et puis c'est très gane. En fait il ne parle pas du tout. Quand il fait juste, il montre comment il se filme en train de cuisiner et il ne parle pas, et il y a juste du texte qui dit les dosages des ingrédients et tout ça. Et il fait toujours deux versions de ses vidéos. Alors c'est très bien filmé parce que le mec est un peu je pense qu'il doit être vidéaste, il doit bosser là-dedans. Donc c'est très beau. Et il fait toujours deux versions de ses vidéos, une avec de la musique et une sans musique. Et personnellement je trouve que celles sans musique sont vraiment, c'est trop bien. Même à mettre un peu à regarder du coin de l'œil, comme c'est très bien filmé. Et le mec, mais il est vraiment, genre par exemple il y a une recette, il fait un café latte. Donc tu te dis bah ça va, c'est pas trop compliqué. Sauf qu'en fait le mec torréfie son café lui-même, ouais. Le moule lui-même, enfin donc ça prend des heures, mais c'est très, je vais dire c'est presque de l'ASMR, si puisque maintenant ça ne veut plus rien dire. Oui. Donc je le dis. Voilà. Voilà. Tu pourrais t'endormir avec. Absolument. Voilà. Une bah écoute, de belles et se réveiller avec une bonne fringale. Allez. Flaubert, qu'est-ce que tu as recommandé? Écoutez, je n'ai pas grand-chose à recommander. Ah. Si ce n'est. Non aussi, alors je vais. Thomas, si ce n'est. Ah oui. Ah, d'accord. Yes. Moi je suis sold, comme on dit, tout simplement. T'es qu'à 50% de ouais, toi. Ouais, je suis. Oh la vache, vraiment. Moi j'aime bien les petits silences après. Sold, il est en sold. Ah, ah si, ça fonctionne. Elle est bilingue quoi, elle est sur deux langues. Bah j'aurais mieux fait de t'appeler, parce que Better Call Sold. En fait, ça vient d'une promesse qu'on s'est fait dans notre conversation. Les gens comprendront pas. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ils veulent vraiment faire max de jeux de mots. Il faut dire la vérité aux Français. Les gens adorent les jeux de mots. Oui. Vous n'auriez rien dit, ils auraient dit pour l'instant, je me régale. Ils auraient... C'est ça qui était dans leur esprit. Maintenant, ils se disent oh là, il y a une embrouille. Attends, c'est quoi? C'est une private joke? Je me sens exclu. Alors que là, ils adoraient. Oui, non, mais c'est vrai, il y a un vrai manque de jeux de mots en France dans le podcast oui. français. J'ai écouté des podcasts où des gens parlent de leur drame personnel, pas le moindre jeu de mots. D'ailleurs, et là, je m'adresse à Taous. Ouais, pas là, de jeu de mots ouais. dans Mortel. Excuse-moi, bah, ça manque. Bah, Mortel, est-ce que c'est pas Mortel. Un jeu de mots? Ah, c'est vrai que Mortel, c'est Mortel. C'est ouais. Mortel. Mais on se fend un peu la poire, moi, je trouve, dans son podcast. Ouais. Si je devais trouver un truc à critiquer, ouais, on se marre pas trop. Non, moi, ce que je voulais conseiller, c'est que je suis sorti de la salle. Encore il n'y a pas longtemps, parce qu'on enregistre un mercredi. Je suis allé voir Spider-Man. Ah, je croyais que tu étais sorti de la salle de ciné. Oh, je suis en train de manger une pizza devant toi, oui, Pierre. Vrai, donc, non, on en est bien pas loin. L'autre Bah chez moi si. Et je suis allé voir Spider-Man Into the Spider-Verse. Mais j'aurai l'occasion d'en parler plus en détail dans un prochain Floodcast que l'on va faire. Encore une fois, sans Adrien Méniel, parce que c'est la mode apparemment. Non, mais le message qui se. Ouais, ouais, bah, bien sûr. Non, non, mais ça va être un spécial Spider-Man. Voilà, en fait, vu que c'est une année. Ça va être pas ouf, en vrai, je pense. Bah, ce sera pour les fans de Spider-Man, comme les deux autres étaient pour les fans de Star Wars et de Harry Potter. Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins, mais j'avais envie d'en parler. En fait, c'est une grosse année pour Spider-Man cette année, puisque les deux créateurs de Spider-Man sont décédés, Steve Ditko et Stan Lee. Les deux sont décédés cette année. Et il y a eu deux films. Il y a eu Venom, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et oui. Donc le dessin animé Spider-Man de Sony, plus le Avengers, où il y avait aussi Spider-Man, et le jeu vidéo Spider-Man Sony, qui est sorti à la fin de l'année. Donc on s'est dit, ah, actu un peu chargé, et quand même décès des deux papas de ce super-héros qui, moi, pour moi, enfin, j'étais méga fan, quoi. Donc je me suis dit, vu que c'est mon podcast et que je fais un peu ce que je veux, je vais en faire un spécial pour en parler avec des vrais passionnés, des gens plus calés que moi. Et ça va durer encore trois fois trop longtemps. Oui, bien voilà, sûr. Tout simplement. Moi, je m'y connais, donc. Ah bah viens. Il y a un tiret entre Spider-Man. Ah ouais. Ah voilà. Oui, Vincent Thierry. Duquel, mais dans quel hors-série pourrait être invité Adrien Méniel du coup? Parce qu'il est un peu exclu de toutes les geekeries. Non, mais en plus, c'est juste que l'univers. Il se reconnaît dans un univers geek, Adrien Méniel? J'ai besoin qu'il me réponde. T'es un gamer, toi, ou geek? Oh, je suis rétro-gamer. Ouais. Ouais, okay. Donc si on fait un spécial non, Mario, mais... tu Mario, te tu seras là. Non. Ah, okay. Pokémon? Je sais pas, mais moi j'ai pas, je suis pas fan en fait, c'est ça le truc. C'est ça. Je suis pas fan de trucs. Enfin si, je sais pas. Donc bon, pour l'instant ton enfance elle est cool, elle est pas encore ruinée. Par un film. Est-ce que mon enfance a été cool? Non. C'est peut-être ça en fait le truc. Ouais, c'est ça, ton enfance a été merdique, du coup tu. Y a rien à ruiner. Un film qui sort à la télé, ça, enfin. Ça a un peu d'intérêt. Ça va. Un film sur un jeu vidéo, l'alcooliste de mon père. Oh, dans la balance. Le film, c'est pas si grave. Donc Spider-Man, yes. Vachement bien. Ouais, j'ai trouvé ça super, mais j'en parlerai un peu plus dans ce special Spider-Man qu'on fera dans quelques semaines. Voilà. Ça tease. Si tu veux aussi. Ah bah oui, c'est vrai. Dis. Je te tape sur l'épaule. Merci Adrien. Toi au moins, t'es un frérot. De la Vega. C'est pas un jeu de mots du tout. C'est. Non, c'est une ref. On l'a. Et c'était. T'es un frérot, t'es un vrai gars. Oh. Yes. Est-ce qu'on n'est pas obligé de chercher non plus un jeu de mots avec ça? Ouais. Non, ok, non, bah, non, je sais, oui, mais. Ouais, non, ok. Pardon, excuse-moi, Adrien. C'est non, deux trucs, c'est The Good Place sur Netflix qui est vraiment bien. Parce qu'ils ont réussi à dépoussiérer le genre du sitcom. Alors, je crois que tu n'as pas vu la série Groom, qui quand même, comme tout le monde, qui en termes de Swiffer pour dépoussiérer la sitcom, voilà, on est quand même pas mal. Mmh. Non, effectivement, je l'ai pas vu. Tu es tout le monde. Ça fait un peu mal. On était entre frérots ce soir, hein. Tu viens de tout niquer. Non, mais c'est pas. Là, pour la Sephore, pour ton prochain podcast de merde, tu peux te brosser. Tu regarderas la saison 2, il y en aura jamais. Alors. Après, Pierre a regardé, mais il a trouvé ça nul. Donc après, vaut mieux pas regarder comme toi. Hein, c'est vrai. Hein? C'est vrai? Quoi? Alors, c'est top. Tu disais, Guillaume, The Good Place. Il y a un twist dans The Good Place, je crois. Il y a un twist mais dans The je Good Place, savoir, surtout, ça dépousse. Enfin, c'est. Mais ça dépousse le truc du sitcom. Les persos sont vraiment cool et ils arrivent à avoir un côté vulgarisateur de philosophie de, sur la mort et c'est tout. C'est Cyrus North, en fait. Ouais, mais en sitcom. D'accord. Ouais, pour le moment, ça ne dit pas grand chose. Pour le moment, je visualise peu. Non, mais personne n'a vu ici? Mais en fait, j'ai pas vu la dernière saison. Ouais, moi je crois. Et puis alors, moi je suis encore plus à la bourre. Je crois que j'ai arrêté avant le twist parce que pour le moment, il y a pas de twist, moi. Donc, d'accord. Donc, encore au tout début. J'ai pas fini la saison 1. Ils sont pas encore à Saint-Tropez. Twist à Saint-Tropez. Voilà. Ah, je suis d'accord. Je vais arrêter. Hein. Il y a plus de rire. Donc stop. C'est tout pour moi. Merci. Et l'autre truc, c'est du coup pas du tout une actuelle, mais j'ai rematé avec ma copine qui avait jamais vu Studio 60. Je sais pas si vous l'avez vu. Génial. Ah putain, vous êtes les deux premières personnes que je rencontre qui ont aimé Studio 60. C'est la série où le héros est un auteur, donc vraiment tous les connards d'auteurs, on se branle dessus, quoi. Tu l'as déjà vu, toi, Pierre? Du tout. En fait, ça raconte, donc c'est un SNL, un genre de SNL, et le premier épisode, c'est le mec qui est le auteur en chef et producteur qui pète un câble à la télé. Qui est interprété par... Non. Non. J'ai tenté. Non, mais c'est ok, t'allais dire waouh, putain. T'allais dire Chandler. Ouais. Mais non, c'est pas lui, c'est d'abord le... Il le remplace, du coup, par deux mecs qui étaient les newcomers avant, et espèce de... jeune mec plein d'espoir, un prod et un auteur, un chef du truc. Et la série a fait un flop de ouf. En fait, elle est sortie en même temps que 30 Rock. Et qui avait ils avaient un truc un peu après, peut-être. Mais c'était un peu similaire. Mais 30 Rock, c'était la version rigolote avec plein de blagues, très sitcom pour le coup. Et Studio 60 était le truc un peu plus. Puis ça beaucoup de choses. Oh, c'est du Sorkin, quoi. C'est du Sorkin. Et surtout aussi, le truc apparemment qui a plombé le truc, c'était au début de. Les séries commençaient à s'exporter. Et Studio 60 c'était inexportable parce que ça parlait d'un truc qui parlait vraiment qu'aux Américains. Tu vois, les writer room et tout, c'est pas non plus. Ouais, on n'avait pas encore eu le SNL français à l'époque. Non, non, non. Qui était plein de promesses. Ah bah, ça on est orphelin d'ailleurs. Vraiment, j'attends toujours. Tu sais. On en avait promis trop. Il y en a eu quand même deux. Il y a eu Cadet Olivier et Gad Elmaleh. Ah oh, oui, oui, oui, mais dans le. Oui, d'accord. Mais c'est qu'il y avait le premier. Dans le reboot. Et Samy sort en direct. Et, mais il y a eu Saturday Night Live. Ouais. C'était avec Gad. Et Logan Paul. Et on l'oublie. C'est vrai. Qui était guest à la fin. C'est vrai. Ouais. C'est fou. Le pif, j'ai envie de dire. Logan Paul, est-ce qu'on peut dire qu'il a failli être guest dans Groom? Bah oui, on peut le dire. Sérieux, du coup, tu l'as dit. Non, non, mais c'est fou, ça a été imaginé. Ça a été, bah, ça oui, nous a été proposé parce qu'on cherchait un guest et quelqu'un a dit bah Logan Paul. C'est qui et vraiment, tout cette le monde personne. A. Non, mais on va pas. Ah, non ouais, plus. Non. Mais vraiment, tout le monde a freiné des cas de fer en disant c'est. Non, c'est hors de question. Ah bah je suis fier de vous. On a acheté des chevaux chacun et on a freiné des cas de fer. T'imagines, t'aurais encore plus détesté. C'est pas détesté. Est-ce possible, est-ce seulement possible de plus détester qu'il n'a déjà détesté, je pense. Et tu avais un deuxième truc, je crois. Non, c'était que ça. C'est bon, c'était Studio 60 et The Good Place. Et tu sais où c'est. Ah oui, tu vois. Et c'est accessible encore, Studio 60 quelque part, je crois. En torrent. Oui, c'est ça. Waouh. Wow. Mais Good Place, c'est Netflix pour le coup. En France. Ça. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas sur Netflix. Aux États-Unis, c'est sur. Je sais pas, j'ai voulu faire genre je connaissais. CBS ? Je sais pas. Au hasard total. Ouais, complètement. Ouais, okay. Ouais. Les amis, un numéro un peu spécial de Floodcast. Parce que je voulais faire un bilan de cette année. Calmement. En fait, l'an dernier, c'est vous qui nous avez invités. Pour faire un bilan de 2018. Vous l'aviez bien préparé et tout. Donc moi je me suis dit pour vous rendre l'appareil je vais rien faire. Et je me suis senti tellement mal que j'ai fait des pizzas du coup. Non, j'ai noté quelques petits trucs. Mais avant de vous dire mes recherches, est-ce que si je vous dis 2018 chacun là comme ça, quelle est la première chose qui vous vient en tête, Guillaume? Non. Non, là tu sais pas. 2018 si vient en tête. Non, non, attends, moi je vais dire que les trucs qui sont arrivés il y a pas longtemps. Donc faut que tu me laisses réfléchir un peu sur le premier truc. Ok, Pierre. 2018 il n'y a pas eu d'attentat et c'était cool. Bah, là, c'est pas merde. Putain, j'avais zappé. C'était le premier truc. Non mais tu je vois. Je vais passer à Adrien. Ouais. Merde. J'ai pas. 2018. Parce que moi j'ai fait un petit sondage groom là sur Twitter. Ah, bah, si, bah, groom, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Personne. Oui. La vache, la Coupe du Monde. J'allais commencer par ça parce qu'effectivement les gens sont beaucoup revenus sur la Coupe du Monde de football car deux étoiles ont été gagnées par la France. C'est vrai. Exact. Alors je vais sans rentrer dans des trucs de football et tout maintenant. Oh, je t'en supplie. Moi, j'ai trouvé c'est notre idée vu qu'on parle de foot. Parce que ce que j'ai trouvé particulièrement bien avec ce truc, c'est que il y a eu une espèce d'affection qui s'est créée autour de l'équipe de France, de la part de gens qui aiment le foot, qui aiment pas le foot, autour des à côté, oui. Les stories. En fait, c'était une victoire en Coupe du Monde méga 2018. C'est-à-dire qu'en fait, tout a été documenté en story. On s'est plaint que le documentaire qu'il y a eu après sur TF1 était pas très bien et tout, mais en fait, les yeux dans les bleus d'aujourd'hui, c'était toutes les stories des footballeurs. Il y a eu tout un truc musical aussi avec les playlists et les joueurs eux-mêmes qui ont créé leur propre thème. Tu vois, ça n'avait pas été un truc rajouté. VG Dream, il a créé une chanson pour rendre hommage à ses potes et c'est devenu la chanson hymne de la France. Johnny, il l'avait fait en 2002. En 2002. Ouais. Donc. Non, mais il a copié Johnny. Et je trouve que c'est. Et je trouve que c'est une belle victoire de la culture aussi de cette génération-là. Qui est une génération de jeunes de banlieue qui commence à avoir 20 et 30 ans et je trouve que c'était chouette pour ça aussi. Ouais. T'as suivi la Coupe du Monde la Pierre toi aussi voilà. T'as dit un truc Adrien pardon. Non mais c'était parce que moi il y a est-ce qu'on peut parler de tout ce truc autour de N'Golo Kanté. Oui. Qui moi il y a quand même une partie qui me mais peut-être vous avez c'est vu moi son qui stand-up d'ailleurs. Rigolo Kanté. Oh la vache. Yes. Ok. Moi j'aime bien. Non, moi il y a. Je trouve qu'elles sont mieux quand tu les lances comme ça. Tu poses une question et la réponse est un jeu de mots. Voilà, c'est vrai. Je mets ça dans la petite tête. Non, mais après, c'est peut-être moi qui vois le mal partout. Mais il y a. Alors, le mec est très objectivement très sympathique et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une. Un peu un petit fond raciste par un moment. Un petit délire paternaliste. Du genre, oh, il est mignon, il sourit tout le temps et tout. Qui est un peu un cliché raciste. Le bon noir. Voilà, et il y a un truc qui me gêne un peu. Enfin, tu vois, dans le côté. C'est surtout quand il a remplacé sur les paquets de Banania. Là, on s'est tous dit, il y a eu un truc de franchise. J'ai mis la puce à l'oreille. Non, mais genre, même tous les t-shirts avec sa tête dessus et tout. Je sais pas, moi, ça me gêne un peu en fait. Il y a un peu. Alors. On va me dire, oh, s'il était blanc, tu dirais pas ça. Bah oui. C'est précisément. Pour le moment, t'as rien dit, Adrien. Mais... Oui, mais on les connaît, les gens qui vont dire. Ouais, on les connaît. Les commentaires. Non, mais. Je voulais savoir si j'étais parano. Non, ou si, est-ce moi, que... je suis d'accord avec toi. Voilà. Je pense qu'il y a toujours un. En fait, c'est pas. C'était pas pareil avec Zidane. Non, je sais pas. Non, parce que là, il y a un côté. On l'infantilise. Enfin, il y a des gens qui l'infantilisent beaucoup, tu vois. Et puis c'est le côté vraiment tout le monde. Alors effectivement il est souriant, tu vois, le mec et tout, mais je sais pas, il y a un truc, je sais pas, il y a un truc de voir tout le monde dire ah, puis alors il sourit, il est gentil et tout. Ça me rappelle un peu quand Brice Hortefeux là, il avait dit quand il y en a un ça va, quand il y en a plusieurs, ouais, hein, et genre c'était l'université d'été de leur parti, j'ai oublié le nom, mais républicain de droite, ouais. et il y avait un mec qui était rebeu. Et tout le monde, ils étaient genre ah regardez, bah c'est notre petit arabe, machin, etc. Et il y avait un peu ce côté genre en voulant montrer qu'ils étaient pas racistes, ils étaient vraiment ultra racistes, quoi. Mmh, ouais. Et alors je mets pas exactement les, pas du tout même les deux trucs au même niveau, mais il y a un peu à côté genre on l'aime bien, il est souriant et tout. Et je sais pas, j'ai l'impression que évidemment tous les gens qui aiment N'Golo Kanté, je dis pas, enfin ça ne découle pas forcément du racisme, évidemment. Vous n'êtes pas forcément raciste, je trouve, mais évidemment. Voilà, évidemment. Mais je trouve qu'il y avait un petit fond de tu disais pas, de paternalisme, et ouais, c'était un peu ça, un peu un côté infantilisant qui un peu chelou. Voilà. Mais et Giroud, il met pas de but, je crois. Oh, voilà. Hein, ouais. Non, parce que je l'ai noté moi pendant la Coupe du Monde, parce que voilà, je voulais. Hein, il met pas de but le mec. Ah, bah, ça, non, c'est une girouette ou quoi. Ouais. Non, mais il y avait le grand truc aussi. 98-2018. Oui, 20 ans après. 20 ans après. 20 ans après, la deuxième étoile. Exact. Les gens se sont battus sur Twitter. Genre, mais laissez-nous notre première Coupe du Monde. Arrêtez de faire les j'ai pas vu passer ça. Ouais, des gens qui disaient la ferveur, elle est moins bien que 98. Ouais, et tu t'as quel âge? J'ai 23 ans. Oui, bon, bah, t'avais 3 ans en fait. En donc, t'en sais, en fait. Après, moi, bon, l'autre truc que je suis noté, les dents là de Didier Deschamps. Elles sont pas un peu pourries. Je crois qu'elles sont un peu dégueulasses quand même. Avec l'argent de la Coupe du Monde, il pourrait aller chez l'orthodontiste. Et les Belges, ouais. Ils ont le seum ou pas, les Belges? Ah ouais, ils ont un peu le seum. C'est vrai, il y a tellement de vannes là-dessus. C'est vrai, mais c'était vrai, cela dit. Après, on peut dire que c'est notre première grosse Coupe du Monde full Twitter comme ça aussi, non? Est-ce que les autres années c'était comme ça? C'était assez rigolo. Au Brésil, ça l'était déjà un peu. Un peu. Mais là, vraiment, je pense qu'il y avait le côté. C'était les stories en fait, je pense qu'on a vraiment changé le truc. Il y a eu quelques mèmes aussi, moi qui suis férus d'internet. Bah oui. Quand justement, contre la Neymar qui tombe et tout. Exactement. Il y a aussi peut-être. Il y avait Twitter aussi et tout ça avant, mais quand on se fait éliminer tout de suite, bah il y a forcément moins de gens qui parlent, quoi. C'est vrai. Et oui, alors moi ça m'a fait un truc, et peut-être vous aussi, ou peut-être des gens qui écoutent aussi, c'est qu'en fait donc quand on gagne en 98, j'ai genre 10 ou 11 ans, et je connais pas le foot en fait. Je découvre le foot avec la Coupe du Monde, je me dis bah c'est chambé le foot en fait, c'est de la fête tous les ans, donc ça a l'air cool. Et après je m'intéresse vachement au foot, je découvre en fait via mon équipe l'Olympique de Marseille que c'est un peu compliqué quand même. C'est-à-dire que des fois tu vis plus, t'as plus de moments où t'as le seum que de moments où t'es sur les Champs-Elysées. Surtout quand tu supportes l'OM. Allez. Et donc j'attendais qu'un truc, je me dis putain. Donc les années passées, je me disais putain c'est trop. Je comprends de plus en plus, j'ai plus en plus compris l'importance d'une Coupe du Monde. La prochaine fois que ça va arriver, ça va être ouf. Et effectivement, ça a été ouf. Et quand ça s'est terminé, peut-être pas le lendemain, mais le surlendemain, j'ai une espèce de coup de blues de me dire bon bah voilà, c'est fait quoi. Et ça arrivera pas avant peut-être 30, 40 ans, peut-être plus jamais. Et genre j'étais là genre bon bah cette joie-là, peut-être que je la vivrai plus jamais dans ma vie. Et ça m'a ça m'a suivi pendant quasiment tout l'été, pas tout le temps, mais j'ai eu un truc où genre ah ok, faut que je trouve un autre moyen d'avoir des. Bon, moi je vais faire un enfant. C'est comme la dernière fois que j'ai. Ah, ouais, oula, ah merde. Que j'appellerais N'Golo. Parce que je suis pas raciste. Mais moi je suis savoir. Etienne N'Golo. Pourquoi ça s'est tiré avant et on célébrait la France black, blanc, beurre? Et là, pas du tout. J'ai l'impression qu'on essayait de distancier beaucoup de choses aussi. Ah ouais, je sais pas ça. J'ai même pas vraiment regardé pour être tout à fait honnête. Donc. Bah, parce qu'il y a eu. Alors, c'était quelle année la Coupe du Monde en Afrique du Sud? 2010. Parce que là, il y a eu justement tous les racistes. Ben c'est ça qui sont sortis. Qui ont dit ah bah génial Black Blamber, ah bah génial, regardez votre Black Blamber et tout. Donc ça peut-être les gens ont arrêté de revendiquer ça. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que des fois les gens comme tu disais, ils appréciaient certains genre de l'équipe pour les mauvaises raisons, tu vois, côté paternaliste. Ah, ils sont bien mignons, ils nous font rire. Hein. Ouais, ils sont là, mais après t'es genre. Ouais, enfin, je sais pas, il y avait un truc un peu bizarre qui est parti que j'ai moins ressenti. Même et, si beaucoup de, très jeune. Et beaucoup de publicité. Et puis avec Macron nous a volé. Oh bah il nous l'a volé. Et le bus sur les champs. Ah attends, ça je m'en souviens ça. C'était Fast and Furious. Oh, ou ne, quoi me, ne me vole pas toute l'actualité 2018 parce qu'il y en a un qui va ressortir dans pas longtemps. Non, je vous le dis. Aujourd'hui, ça tombe bien qu'on soit en hiver parce qu'il va justement être habillé pour l'hiver, je crois. J'ai très mal amené cette vanne. J'allais la faire encore moins bien d'ailleurs. J'espère qu'il a pris son gilet. Enfin, je vais pas lui orienter la couleur, mais jaune. Ah, il y a le chanteur de Slipknot. C'est ça, c'est moi. C'est correct. Ouais, c'est correct. événement sportif qui, bon, je suis désolé pour les gens qui suivent, mais en tout cas autour de cette table, je sens qu'il y a moins de ferveur. Les JO d'hiver qui ont eu lieu à Pyeongchang. En Corée du Sud, personne n'a suivi, bien sûr. Absolument pas. Et non, c'était en février. Écoutez, et ça avait provoqué grand bruit pour moult raisons, parce que c'était des Jeux Olympiques en Corée du Sud. D'accord. Ah oui. Et il y avait un sénateur américain, par exemple, qui avait menacé les JO d'un boycott des États-Unis si la Corée du Nord y participait. La Corée du Nord qui était très présente dans l'actualité 2018 avec un cul serré de notre part de missiles et de potentielles guerres. Ouais. Et Trump. Lui, ah bah là on a un autre qui va être bien. Me lancez pas. Ouais. Alors là, il a une perruque ou quoi? Hey, lui c'est soleil. Pas un gilet jaune, c'est un gilet orange, j'ai l'impression qu'il a sur la tête. On se met trop la pression les gars. Vous avez entendu, c'est deux têtes qui viennent de tomber. Waouh. Le t'as bien fait de le dire, ouais. Parce que le bruit ne... Parce que moi j'aurais dit une sarbacane. Ouais, je savais pas comment faire un bruit de tête qui tombe. Élection présidentielle en Russie. C'est un blob. Elle a roulé. C'est Flubber. C'est Flubber. Bah non, c'est là. Ah, il était rapide. Ah, il est très très fort. Pour faire cette blague nulle. C'est clair. Donc, en mars, il y a eu les élections présidentielles en Russie. Qui a été élu. On se le demande bien. Il y a un troisième qui vient de se prendre une balle en plein dans le cœur. C'est les grosses têtes ou quoi? Attends, ça sera jamais que la deuxième élection influencée par les Russes. Oh, Trump. Vous connaissez d'ailleurs le plat préféré de Vladimir, je demande à Guillaume. C'est la poutine. Oui. C'est le en fait non, c'est le fou du roi. Cette émission avec France, avec Stéphane Bern qui est sur France Inter entre midi et deux. Il est trop vieux. Comment il s'appelait le père de Carlito? Les gens trouvent sur le web. C'est pas. Je sais rien. Dans le doute, je préfère si pas. Ça a été outé. Je crois que ça a outé, mais j'en pas outé. Allez. Parlons. Putain, joli. Oui. Son papa. Adrien. Non, mais c'est bien fait. Merci Adrien. Comment? Où t'es? Papa? Moi, papa où t'es? Bah il est pas. Le mien, vous voulez savoir où il est? Dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Je l'ai découvert par un jogger. Non, c'est cendre, Pierre. Si ça cherche bien, c'est vraiment morbide. Vraiment la flemme. On a déposé mon père dans la forêt. Ah ouais, les cendres? Non. Son corps. Parce qu'en fait ça coûte un bras, donc on a laissé ça. Du coup il lui manque un bras. D'ailleurs, il y a un épisode de Mortel sur le sujet qui est hyper intéressant. Putain, c'est fou, j'y ai pensé aussi. T'apprends plein de trucs, oui, sur le fait que t'as pas le droit d'enterrer les gens n'importe où, c'est hyper réglementé. Et tu dois payer le cercueil, oui, quand tu te fais incinérer, ce que je ne savais pas. Ouais, mais c'est avec toi qu'on en parlait récemment. Avec toi et Lucien. Exact. Tu es obligé d'acheter un cercueil pour l'incinération. Écoutez d'ailleurs ce podcast. Alors oui, je crois que pour le coup celui-là c'est pas dans Mortel, mais dans un autre podcast de Nouvelle Écoute où elle a participé, où ça parle de mort et économie. Ah, peut-être elle en parle dans Splash. Je crois que c'est dans Splash. Elle en parle aussi dans un épisode de Mortel. D'accord. Ouais, okay. Bon, bah, d'accord. En tout cas, vous n'hésiterez pas à aller écouter. Peut-être qu'on devrait se dire Mortel, tu vois, quand tu parles de ce podcast. Ouais. Tu connais Mortel? C'est quoi? C'est un truc sur la mort en fait. Ouais. Ça s'appelle comment? Mortel. Elle est très triste dans tous les épisodes. Mais c'est bien. Ah, c'est super. La fin de l'ère Castro à Cuba en avril. On a peu regardé l'actualité d'Adrien. J'ai même pas regardé le discours de Macron. Oh là là, Micron, moi je l'appelle. En mai, il y a eu le mariage de Harry et Meghan. Moi j'ai regardé par contre. Ça t'a regardé? Ouais. Alors ça m'a toujours fasciné. Moi aussi. J'ai pas compris pourquoi ça intéressait les gens. Mais j'ai ça intéresse tout le temps les gens. Vraiment. Moi aussi. Mais alors toi, c'est comme l'Eurovision. Je sais pas, il y a des belles robes. C'est vrai, pareil pour moi. Bah ouais, mais. L'Eurovision, tu comprends pas non plus? Ouais, pareil. Ouais. Non. J'ai rien à foutre. Ça fait pas de mal, il y a des jolies robes, des jolis chapeaux. Non, mais je peux comprendre que tu le mates avec des gens pour rigoler. Ouais, ce qu'on a fait. Ok, d'accord. Mais tout seul, tu te mettrais pas l'Eurovision? Est-ce que c'est non, comme c'est regarder un nanar ou pas vraiment? Ah bah un petit peu ouais. Un peu. Ou comme d'accord. le Téléthon, tu te mets avec des potes et tu ouais, te... c'est ça ouais. Ouais, mais... Tu fais le Téléthon avec des potes avec un bingo ouais. Et tu dis à tout le monde de danser et ouais, voilà. C'est ouais. vraiment ce qu'on a fait non, la mais... dernière fois. Alors, non, mais... le... Allez, on va faire un truc, je sais pas comment cette musique, tout le monde se lève et danse. Ah là là. Et non Flo. Et oui, quelle erreur. Quelle erreur. Le non mais les gens en story sur le mariage étaient quand même hyper premier degré. En mais story, peut-être que ça pour hein les story de qui tout le monde ah vraiment ouais. c'était il y avait que ça ah ouais c'était fou. J'ai pas vu. J'ai une petite théorie. Ah vas-y. Je crois que c'est comme un c'est un peu comme une télé-réalité qui serait ok et qui aurait un mix de télé-réalité et un peu de romance, tu vois, les gens ça t'as envie de mais est-ce que ça rassure pas de... tu vois là moi, où notre monde part à volo. Ah. Allons-y. Est-ce que c'est pas un peu encore un côté un petit peu de se ancré dire, dans... Il suffit d'avoir énormément d'argent. C'est ça. Et, non, bien. Et non, car en l'occurrence, Harry et Meghan, c'est un peu le conte de fées. Parce que mais Meghan oui, n'était même pas anglaise, elle était américaine. Oui, mais lui, il a énormément d'argent. Lui, non, lui, enlève le lui de l'équation. C'est la moitié du mariage. Non, je sais pas, il y avait Daddy Issues. Oui, Meghan voilà, Markle, il y a tout un délire de. Voilà, anniversaire de la mort de Lady Di qui tombe oui, dans la même année. Comme une télé-réalité, tu connais un peu les personnages. Un feuilleton, un feuilleton. Voilà, mais. Bah c'est peut-être pour ça que je m'en branle. T'es fan de rien de toute façon. Ouais, oui, oui. Bah, de pas, pas de télé-réalité, pardon. Mais moi j'étais à Londres. Le jour où ils attendent les télé-réalités en livre, peut-être que je m'y intéresserais. Ouais. Ça s'appelle bah, la famille Gordo, mon pote. Émile Zola. Je sais pas si les gens l'ont. Moi j'adore bouquiner. Gorgon, tu veux dire. Gorgon Zola. Oui. Pour Guillaume. Je t'en ai offert il un. Adore la bouffe, ce mec. Hey, vous, est-ce que vous allez faire un crossover bouffon et mortel sur la bon, le cannibalisme ouais, sur la, mange tes morts. Excellent. Super. Mais oui, on va le faire. Enfin, on va. C'est pas sûr, mais on y pensait pour faire. Mais alors, avec des vrais sujets. Qu'est-ce qu'on bouffe après un enterrement Ouais, parce qu'en fait, aux États-Unis, t'as une vraie culture du basket qui s'appelle en fait où tu ramènes beaucoup de bouffe et tu fais un truc. Et vous voulez faire ça et aussi la bouffe des condamnés à mort. Ah, le dernier repas, ça c'est très intéressant. C'est on cool, bosse chez Nouvelles Écoutes. Ah ouais, bah, comme quoi, alors que moi j'ai tapé top 10 événements 2018 et je vous fais la liste. C'est une liste BuzzFeed en plus. Après, ah, on n'est pas payé, on va pas non plus casser. Oui, ça va, ouais, c'est vrai. Ça va. dans les autres événements, les 50 ans de mai 68. Eh ben, alors là. On y est là, on y est là. Mais d'autant qu'en en mai 2018, il n'y a pas eu grand chose. Mais c'est qu'il y a, ça a été à rebours. Bah en fait. Après, ça aurait été vraiment chelou que les mecs disent bah, c'est l'anniversaire, on va péter des vitrines. Non, mais c'était aussi les 1 an de Macron, du coup. Je crois. Wow, 2017, ouais. Il a été. Ouais, donc, wow. Du coup, c'était ouais, fin avril, ouais. Wow. Ouais, je me rappelle, c'était mon anniv. Ah bah, dis donc. Ouais, t'as aimé le cadeau qu'on t'a offert ouais, pas trop, bois, ouais. Je peux te dire. Hein. Pas besoin de picoler pour avoir la gueule de bois, n'est-ce pas ouais. Rien. Si seulement il y avait une chaîne pour m'expliquer ce que je pourrais manger. Hangover Cuisine, la chaîne de Guillaume. Joli. Non, mais voilà. Mai 68, les Saoudiennes qui ont le droit de conduire. Bah, c'est une belle avancée en vrai. D'ailleurs, on a la Saoudienne. Et non, il n'y a aucune femme, aucune personne non blanche autour de cette table. Alors, le bilan de Trump. Ah bah, c'est pas ouf, comme dirait Adrien. Moi je vais dire Samuel le bilan. Oui. Bah oui ça marche. Vu que voilà. Il y a aucune. Est-ce que je tente bilan à Sani? Ok. Ouais, ah, ça, pas ça mal. Va bien. Ah ouais, ça marche. Okay. Ouais, ouais. Bon allez bref. Bilan Trump. L'équipe aussi. Oh ouais, bilan assez. Petite ouais. blague de foot. Ouais. Quand t'es enrhumé. Ah bah tiens, on revient. Ah, la boucle. Ouais. Ouais, ouais. Un callback. On se renvoie la balle ou quoi? Oh là là. But. Mais en vrai le Trump. Déjà t'as commencé par le Trump. Le Trump. Il a fait des sacrés trucs cette année. Non mais en vrai, j'arrive pas à les sortir. Mais il m'a fait vriller déjà avec la Corée. La Corée, sorti, on a tous. Enfin, pour Yann Barthès, il s'est donné à cœur joie. Mais attends, c'était cette année tous les, enfin genre. Tout ils ont fait toutes les semaines, donc. Non mais genre les néo-nazis qui défilent avec leur nom. C'est l'année dernière. Sérieux ouais, ouais, parce qu'il y a ah le oui, film, il y a le film de Spike Lee en mai, donc ça devait être l'année d'avant, l'été d'avant en fait, c'était je crois Charlottesville. Ah, ouais, non là cette année, je crois que c'était les, bah c'était Kim Jong-un en fait, c'était menace de. Et disons les missiles sortirent, attention on attaque, suivi quelques mois après par une poignée de main. Et ouais, l'article un peu ouf où t'as un mec qui raconte qu'en fait tout le monde dans la maison blanche passe son temps à déchirer des trucs qu'il fait, à lui donner des faux contrats, lui faire croire qu'ils font des trucs. Alors tu l'occupes quoi. Ouais, tu l'occupes pour essayer de rattraper ses conneries parce qu'il se disait qu'ils avaient évité trois guerres. ils lui ont acheté un dessinons la mode, je crois. Pour faire des trucs. Spirographe. Et aujourd'hui, il y a son avocat Robert Mueller qui a été condamné à 3 ans de prison. Ah oui. Ah. Et c'est un peu chaud parce qu'apparemment, lui a dit bah ok, dans ce cas-là, je vais tout dire. Si je tombe, tout le monde tombe. Il y en a déjà eu un au début d'année qui a balancé pas mal de choses. Qui s'est fait virer du cabinet, pardon. C'est lui, je crois. Mais là, il a relancé le truc. Ah, c'est dans la continuité de ce truc-là, je crois. Ah la vache. Bah, il y a eu le bouquin sur Trump aussi de. Comment il s'appelle Wood. Le mec qui avait découvert le scandale du Watergate. Et du coup, il y a ce bouquin qui est sorti. Rage, je crois que ça s'appelait. Je sais plus comment ça s'appelait, je suis désolé. Les amis, avant de continuer. Cette actualité 2018 t'as tué un jeu. Très chaude. J'ai aucun jeu, rien n'a été préparé. Super, non, en revanche, on va parler un peu culture. Parce que j'ai le. Je suis allé sur Sens Critique, j'aurais pu aller sur Allociné, mais j'ai un peu tapé rapidement. J'ai tapé le top 10 le top selon 10. Le peuple, le même peuple qui a voté Macron, alors attention. Hein. Le top 10. Et Marine, c'était mieux ? Non, c'était pas mieux. Et rappelez-moi pourquoi on a fait barrage. Bah pour contre le professionnel quand même. Ah ouais, et là ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que sinon ça aurait, ça aurait été pareil en pire. Même. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, barrage c'est ça, Obama. Ouais. Oh, il ne s'arrête jamais. Mmh. Le premier film, selon les gens. Tu commences par le 1 ou par le 10? Ah, t'es plus malin que moi. Je vais commencer par le 30. Alors. Ah non, mais c'est un top 10 ou plus. Non, j'ai un top jusqu'à l'infini. Bah, tous les films sont sortis. Non, tu n'es pas commencé, tu sais, bas. Non, mais en vrai. 1275e. En vrai, je descends à 100 et je remonte quand il y en a des. Que les gens ont pu un peu voir. Ouais. Par exemple, 94e, Jurassic World 2. Ah. Je le dis parce que je suis allé voir avec Pierre Lapin. Ouais. Et on a trouvé ça pas mal. Et ouais, n'en déplaise, orageux. Orageux, franchement, c'est vraiment très très bien. Et au Raptor. Les Vélociraptors, oui, ouais. Non, et pour le coup, un vrai film de dino sur les dinos où les humains s'effacent un petit peu. De belles scènes, vraies réelles. Ouais. J'ai trop kiffé. Moi, j'ai trouvé ça et super. Une belle ouverture sur la suite qui me paraît bien débile, mais je signe pour. Comparé à ce que nous avait fait Trevorrow avec le 1 qui était surdébile. Qui était bien nul. Et non, vraie bonne surprise et un des meilleurs blockbusters pour moi cette année. Voilà. Ouais. Wow. D'ailleurs, toi, Adrien, tu l'as vu aussi, je crois. Je l'ai vu. Moi, je vais pas faire des critiques, je vais juste dire la scène que j'ai préférée dans le film. Vas-y, okay. Je t'en prie. C'est quand il y a le. Comment il s'appelle le mec? Dinosaure. Non, mais. Chris Pratt, voilà. Il est sur le toit du truc avec le gamin et il regarde les dinosaures. La gamine, tu veux dire? La gamine. Oui, la gamine. Ouais. Oui, pardon. Je vois pas les genres en fait. Oui, pardon. Ouais, en plus. En plus. Bah, ouais. C'est l'intelligence. Il ne voit que l'intelligence. Et donc il surplombe le truc, un truc. Il regarde les dinosaures qui sont en train de tout détruire et il dit: ça te rappelle pas quelqu'un? Et il dit: les hommes. C'est vrai. C'est une super scène. Très belle scène. C'est une super scène. C'était un vrai film de dino. Il y a eu aussi le docu sur le stand-up qui était un vrai film de Charlie. Et de. Non, tu l'as amené. Bravo. Ah ouais, elle était bien. Tu m'as regardé droit dans les yeux. Visiblement, un enfant à l'école pour sa première rentrée. Tu l'as amené. Les yeux de Guillaume étaient deux bouées. Ouais. Il voulait vraiment que. Alors, sinon, il y a En Moi, Liberté. J'ai bien aimé aussi. Parce que comme ça, peut-être les trois films. Tu l'as vu ? Ah, tu l'as vu, pardon ? Ouais, j'ai téléchargé. On en parle même pas. Légalement, bien sûr. Et ouais, non, j'ai bien aimé. Ça se mate à la télé, du coup. Ou sur un ordi. Ouais. Tranquille. En tout cas, c'était pareil, quoi. C'était mieux parce qu'il n'y avait pas les mêmes gens qui font de la merde dans le cinéma. Alors avec Pierre, moi j'ai partagé ma petite astuce, c'est aller à des séances d'intermittents à 15h dans des cinémas de gens qui votent à gauche. Et les gens sont très respectueux. C'est au UGC Odéon, c'est la seule séance de cinéma qui vote à droite, du coup. Parce qu'Odéon c'est ultra riche. Ouais, mais c'est plutôt des vieilles bourses de gauche qui vont au cinéma à 15h. Ouais. Et c'est le seul ciné où j'ai entendu des vieilles faire chut au moment du Media Vision du vraiment. Alors moi je le fais. Ah ouais, des Media Vision. Parce que moi je le fais au logo Warner. Ouais, voilà. Moi, genre, non, bah là on se tait, les lumières sont éteintes. Ah, ok. Tant que c'est allumé, je cautionne. Je le fais sans vergogne, quoi. Vraiment, j'ai aucune. C'est le concept de la salle de cinéma, en fait. Ouais. C'est de se taire et regarder un film. Donc, si c'est pour ça que je vais peu au cinéma. Ouais, mais en fait, vraiment, c'est aussi pour ça que je vais pas souvent. Mais au-delà de se taire aussi, c'est de éteindre son téléphone portable et la lumière aussi. La lumière, c'est fou. Parce que tu peux vraiment la baisser. En fait, si tu la baisses au maximum, la lumière, tu ne déranges personne. Yes. C'est impossible en fait de voir un faisceau lumineux quand il est au minimum de l'iPhone. Donc ça rend fou, c'est vraiment juste pas faire gaffe. Et aussi, si vous voulez chuchoter parler dans l'oreille de quelqu'un qui est à côté de vous, vous n'avez pas besoin de parler fort parce que du coup ça ne sert à rien. C'est parce que les gens, ils parlent dans l'oreille de leur voisin. C'est ouf! Mais ils parlent fort! C'est ouf! Ça veut dire que là, depuis le début, en fait, c'est ta gueule. Tu vas voir qu'il va le bouffer! Et moi, grande nouveauté, la dernière fois, il y a un mec qui vapotait au troisième rang. J'étais genre. Ouais. Bravo, mec. 80e en liberté de Pierre Salvadori. Non, personne autour de la table. Moi j'ai beaucoup aimé, j'adore Pierre Salvadori. Il avait fait un de mes films préférés qui s'appelle Les Apprentis avec François Cluzet. Ah, j'adore ce film. Ouais, et Guillaume Depardieu. Et Guillaume Depardieu, vraiment, avec une des répliques que j'adore. C'est pas une blague pour le coup. Qu'est-ce que tu fais du bruit quand tu pisses? J'adore cette phrase. Et quand il dit mais quand ça fait pas de bruit, j'ai pas l'impression de pisser. Oui, voilà, c'est ça. Et là, il a fait En Liberté, qui est un peu plus chelou. Mais j'adore Pio Marmaille, Adèle Haenel et Audrey Tautou. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était des fois un petit peu à l'ancienne, mais j'ai trouvé ça rafraîchissant. Je peux pas vous dire mieux, rafraîchissant. Tu l'as vu aussi toi, Adrien? Je l'ai vu. Et la scène. Non mais c'était un beau comment dire. C'est difficile à décrire ce film. C'est juste tirer le portrait de l'humanité en fait, tel qu'on la croise tous les jours, quoi. Un peu. Et non, c'est vrai, c'est voilà, la liberté, c'est un peu le truc après lequel on court tous. En liberté avec un point d'exclamation en plus. Oui, parce que est-ce qu'on est vraiment avec les réseaux sociaux et tout? Est-ce qu'on ça nous libère ou est-ce que ça nous emprisonne? C'est un peu tout ce truc là finalement. C'est paradoxe. Ça va plus loin que les réseaux sociaux, bien sûr. Mais c'est en filigrane. Voilà, ouais. C'est exactement, c'est ça. Chris Pratt est très bon aussi, comme dans Jurassic World. C'est ça, ouais. T'es fou, quoi. 78e. Alors là, pareil, c'est de niche, mais moi j'ai bien aimé Game Night. Pour le coup, je l'ai vu. Comment ça, de niche la maliche. Enfin, oui, oh oui, de niche la maliche. Je l'avais. De John Francis Daley et Jonathan Goldstein, qui sont deux gars qui font pas les meilleures comédies de la Terre, mais qui font toujours des très bonnes comédies ultra efficaces, puisqu'ils ont fait les Comment tuer son boss, ils ont fait Les Miller. Comment tuer son boss 2. Oui. Et Les Miller. Une famille en herbe en français, parce qu'ils disent de l'herbe, les mecs. Les Miller, et c'est ceux qui travaillent à la mille. Non, je confonds avec les dessins. Gérard Miller. Non, je voulais vraiment poser une question, mais je me suis abstenu, pas parce que les jeux de mots, vous savez, je m'en sors pas. Et surtout, ils ont fait un film que j'adore qui s'appelle Vacancy, le remake de National Lampoon avec Ed Helms, et c'est très drôle. Ah, voilà. C'est ça, donc ouais, je l'ai vu, mais j'ai pas trop kiffé moi. Ah, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très débile, j'ai adoré. Et donc là, Game Night. Bien aimé, Adrien? Ta scène préférée? Pas ta scène préférée, non, mais pour le coup, bien aimé. Enfin, pour le coup. Mais pourquoi pour le coup? Je l'ai vu deux fois. Ouais, je l'ai vu deux fois. Et ouais, j'ai bien aimé. C'est, y a notamment, je trouve, il y a un personnage qui est incroyable, c'est le flic, le voisin. Ah, incroyable. Qui est dans Black Mirror. Qui est dans Black Mirror, ouais. Dans l'épisode. Si vous avez vu Black Mirror, enfin, il suffit de regarder dans la rue. Ouais, j'allais vous le dire, il est dans votre poche, Black Mirror. Il est des fois en mode avion. Ils ont appelé ça Black Mirror parce que quand t'éteins ta télé, ça fait un miroir noir. Ah, c'est pour ça, tu crois? Non, je pense pas. J'espère vrai, c'est pas con. J'espère pas, mais non, mais c'est pas bête. Ouais. C'est du niveau. Le Black Mirror, c'est pas la télé allumée, mon gars, c'est la télé éteinte. Waouh. Waouh. Regarde, je suis ta télé. En train de réfléchir. Qu'est-ce que tu vois? Pour moi, c'est le monolithe de 2001. Je vous le dis. Clairement. C'est le monolithe de 2001, la télé. J'ai pas vu. Et tu sais même pas vraiment. Tu connais même pas cette scène. Monolithe. Le mot monolithe. Le monolithe, je sais, je suis pas sûr de connaître. C'est le une sens. Bagnole. Pour lui, ouais. C'est une bagnole. Non, ouais, c'est le mec qui joue l'épisode qui se passe dans une simulation un peu à la Star Trek, là. Je sais pas si vous l'avez vu. D'accord, ok. De Black Mirror. Le mec. Le Matt Damon. Voilà, qui le s'est fait piquer par une guêpe. Ok. Et il est qui joue très... aussi dans Breaking Fargo. Bad. Breaking Bad. Ouais. Fargo aussi, ouais. Voilà, et il joue. Alors, je l'ai vu que dans et Black Mirror. Il est aussi dans un mec insupportable. Je sais pas si dans Fargo il joue un mec chelou, mais en tout cas, dans tous les trucs dans lesquels je l'ai vu, joue un mec chelou. Il joue dans Breaking Bad, il joue un gars, il joue. Ah un oui, chelou, un quoi, peu fort des cafés. Après, et il est un peu attendrissant sur certains rôles aussi. Voilà. C'est, bah ouais. Mais là, il est un peu attendrissant aussi dans Game Night, mais vraiment, non, disons il est pas très, trop. Il est très drôle, vraiment très marrant. Et c'est vraiment ouais, enfin. J'ai pas tout adoré dans le film, mais il y a vraiment des trucs. Il y a des trucs qui m'ont vraiment fait rire fort, et juste sur des trucs un peu des petits détails vraiment très cons. Et je trouve que c'est là leur force. Je trouve qu'ils ont des scènes de blagues vraiment. Je sais pas. Je trouve que ça marche toujours très bien. Je suis jamais conquis par le film en sortant en me disant waouh quel film, mais je me marre à intervalles très réguliers quand même. Ça, et puis il faut toutes les heures. Ouais, c'est régulier. Régulier. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai que le mot efficace est un peu horrible, ouais. Mais. Ça s'applique bien à ce ça film-là. Ça fonctionne bien. Il n'y a pas de temps mort, la structure est bien, il y a des bons rebondissements tout au bon moment. Donc c'est bon, c'est vraiment. C'est du coup cool. Humain. C'est comme un match de basket un peu. Un petit peu. Il y a des temps morts. Il y a des temps morts. Il y en a vraiment énormément. C'est comme un album de Booba. Oui, je sais pas, c'est ce que j'avais. Moi, il y en a un du coup. Ouais, c'est là, c'est comme la discographie de Booba. C'est pas comme la discographie. Solo Star Wars Movie. Ah oui. Star Wars Story, pardon. Bah franchement en standalone et tout, j'ai préféré à l'autre merde de Rogue One. Oh là, et oh, les termes. Et même s'il fallait allumer la lumière et payer un chef-op, franchement je trouve qu'il y avait son charme. Pierrot et les Ramos. Et non mais en vrai moi je t'as des petites punches. Non, mais en vrai ouais, bah oui. Ouais. Enfin, c'est tout ce que je regarde sur YouTube, j'aime bien les punchliners sur YouTube. Allez, avance. Et non bah ouais, franchement bah les couilles en fait. Ouais. Mais c'est ouais. Halloween 72e. T'as vu. Sympa. Pas film de l'année. 67e Revenge. T'as vu non film plus. De genre français. Wonder Wheel de Woody Allen. Pas vu. How to talk to girls at parties 60e. Bah moi j'ai pas compris le délire. On m'avait dit que c'était. Tu vieillis, c'est tout peut-être. C'est peut-être ça. Ça devait être ma cam. Peut-être que t'es timide. Non, en fait, c'est une adaptation d'une... Non, je l'avais, j'ai pas rebondi, parce que voilà. Mais c'est une adaptation d'un graphic novel par un réalisateur, je crois, qui est un peu connu, mais moi, j'ai pas le gars, John Cameron Mitchell. Et je suis pas rentré dans le délire. Et la BD de qui? Je ne sais pas, mais tu l'as vu, toi, de toute façon. Bien sûr, oui. Ta scène préférée, c'est quoi? Ma scène préférée c'est quand le mec c'est parce que c'est un mec, ça parle d'un mec. Ouais, bah ouais, pour changer, ok. Qu'est-ce qu'il est woke. Non mais c'est toute la scène où il doit aller à une soirée et du coup il cherche comment s'habiller et du coup il commence à, enfin en fait c'est l'histoire d'un mec qui réfléchit trop en fait, c'est ça le truc, et du coup il se met à chercher, il se dit est-ce que cette couleur ça va avec cette couleur, et du coup il se met à chercher sur Google genre tous les trucs de colorimétrie, les couleurs complémentaires et tout. C'est dans les années 70 donc, après, et il cherche dans l'encyclopédie et en fait le mec bon c'est un peu un spoil ouais. Et du coup il s'est tellement plongé dans des recherches pour trouver comment il allait s'habiller ouais. qu'il a raté la soirée, c'est ça, c'est un petit spoil mais c'est une petite partie du film quoi. C'est vraiment, tu dis non mais il est trop dans sa tête ce mec. C'est un comics à la base de Neil Gaiman. Ah bah voilà, très qui, extrêmement connu. Extrêmement connu, voilà. C'est vrai Pierre. Oui, bien sûr. D'ailleurs ils vont adapter en non mais ça c'est une vraie info de bon je crois hein, de bon présage, Good Omens en anglais en série. Je sais pas si vous. Non, du c'est un si. Livre de Neil Gaiman et Terry Pratchett. Un des rares livres que j'ai lu dans ma vie. Et c'est moi qui le fais. Et c'est réalisé par Flaubert. C'est moi qui le fais. Ouais. Énormément d'oseille. Comme en témoigne l'appartement dans lequel on se trouve. Ah, on a déménagé. Écoutez, c'est tout l'argent que nous rapporte le Floodcast. Non, mais c'est vrai, j'ai lu que Good Omens allait être adapté en série et ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Le Grand Jeu, 48e de Aaron Sorkin, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Non, personne n'a vu. Non. Très cool avec Jessica Chastain. Il marche dans un couloir en parlant. Moi, c'est ma préférée. Scène. Tu l'avais déjà vu cette vidéo sur YouTube où le mec reprend, un mec ou une meuf d'ailleurs, je sais pas, fait un montage de tous les trucs que Aaron Sorkin met systématiquement dans tous ses films. Ah, j'ai pas vu. Et en fait, tu te rends compte qu'il a vraiment des tricks qui sont en fait pas des signatures, parce que c'est pas un truc qui, c'est un truc qu'il fait un peu pour arnaquer tout le monde, tu vois. Ouais. Mais vraiment un truc de des techniques de genre quand quelqu'un demande un truc, il pose une fois la question, on le dit non, une deux fois non ou trois fois oui, et ça vraiment ça paraît trop bête, mais c'est dans 40 scènes d'Aaron Sorkin. Ah ouais. Et la vidéo est assez cool. Bah je regarderai. YouTube.com. Je connais. Enfin, tant que ça existe, parce qu'ils vont encore nous sucrer. Ah, oh, l'article 13. Ne me lance pas sur les GAFA, putain. Et ça aussi. 40e, Le Grand Bain. Oh, écoute, c'est pas mal. C'est cool. Ça, ouais. Toi, t'as. C'est très blanc dépressif. Non, mais moi, je veux pas. Ouais, j'aime bien. La scène qui m'a touché. Là, c'est un peu un de tes films préférés cette année, quoi. La scène qui m'a touché particulièrement, c'est quand le personnage qui est joué par Philippe Catherine. Il est assis à côté de Gilles Lelouch. Voilà, exactement, merci. Ils sont en train de discuter. Ils fument. Déjà, c'est assez beau parce qu'ils sont en train de fumer une clope au bord de la. Enfin, ils sont dans la piscine qui va fermer, donc il y a juste des raies de lumière qui. Ah, voilà, c'est magnifique. C'est assez beau. Mmh. Ouais. Et il lui dit, il regarde la chaise du maître nageur et il dit, un maître nageur qui t'apprend comment te déplacer, où tu dois aller et tout. C'est dommage qu'il ait pas ça dans la vie, tu vois. Ça mènerait bien, tu vois. Et après, il lui répond, mais tu sais, une piscine sans maître nageur, c'est comme une vie sans toi, mec. Ils se serrent dans les bras. C'est assez touchant. Pour le voir qui joue le maître nageur et qui dit, bah tu vois, là dans cette piscine, là, je suis le maître, mais dans ma vie, je maîtrise pas grand chose. Je me rappelle, ouais. Ouais. Ouais, j'ai plutôt tendance à me noyer. Oh, oui. Il y en a qui disent, bah tu vois. Là, eux, ils sont dans le grand bain, moi je reste toujours au pédiluve. Ouais. C'est triste. Et à un moment, il y a Jean-Hugues Anglade, il regarde Seiya et il dit, ah, j'ai des verrues plantaires. C'est vrai qu'il dit ça, ouais. Continuez sans moi, les gars. Mais tu sais, moi. Tu sais, moi, la clé de la vie, elle est attachée à ma cheville. Il dit, tu vois. Ça fait chialer. Tu vois, pour ranger ses affaires, bah, il en faut pas plus qu'une pièce de 2 euros. C'est une trop belle scène. C'est Fira qui le dit. Ouais. Enfin bon, bref, ça nous a appris beaucoup. Le Rambin 46ème. 45ème, A Star is Born. Oh la vache, Détesté. T'as pas aimé? En fait, j'ai trouvé que. En fait, je savais pas, mais c'est une adaptation d'un film qui a été fait en plusieurs fois. Deux fois. Même deux trois, fois. Trois, non? Ah ouais, je me souviens, il y a le premier et celui avec Barbara Streisand, mais il y a peut-être un troisième. Bah donc, si ah oui, il a été refait deux fois auparavant, je voulais dire, pardon. Et en fait, c'est vrai que. Donc, il semblerait que. Parce que moi, j'ai une tête, genre, c'est marrant, la vision de l'amour et de la relation est quand même assez datée, quoi. Le côté fan qui fait tout et qui instantanément. Bah, en fait, genre, non, ou relation toxique de base. C'est assez toxique. Ouais, c'est toxique de ouf et ça finit super mal. Et je trouve que la fin, qu'on va pas spoiler. En fait, il n'y a pas de rédemption, c'est vraiment la meuf, c'est la faute de la meuf tout le temps, alors que c'est fait, enfin c'est trop bizarre, j'ai trouvé que tout était assez flou, et alors plein de gens ont dit « Ouah, la musique elle est ouf, les chansons sont incroyables ». Moi, par exemple, j'adore les One Direction, je trouve que la BO, c'est des textes des One Direction, donc avec tout ce que ça a de mielleux, de gratuit, de pas très recherché. Ceux dans ce qu'on aime se lever aussi, parfois. Ouais, carrément, voilà. mais comme c'est chanté par Lady Gaga et Bradley Cooper, les gens ils sont genre « Ah, c'est vachement bien », tu vois. Et tu dis bah, franchement, la même chanson chantée par Harry Styles et les Wendy, t'aurais dit genre « Ah, c'est de la grosse merde », donc à un moment... Oh, tu te victimises, Guillaume, oui, un peu, ouais. Non, mais non, ouais. C'est pas que je victimise, c'est qu'en fait, je trouve que... La BO est sympathique, tu vois, ouais, mais ouais. C'est pas génial, tu vois. Tu sais quelle voiture il conduit d'ailleurs, Bradley Cooper? Une mini Cooper. Et sa meuf, on est complètement caga. Moi, j'ai bien aimé. Ans, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça un peu chiant à la longue. J'ai bien aimé le début. En fait, j'ai trouvé les 40 premières minutes quand ils tombent amoureux, genre j'en dis pas plus. La scène du supermarché, le truc de le petit pois gelé sur la main, tout ça. Tu l'as vu, Adrien? Oui, bien sûr, bah évidemment. Non, mais enfin, je suis cinéphile. Je suis cinéphile. Je veux pas trop spoiler non plus. Et si vous voulez voir Star Is Born vraiment hurler pendant 35 secondes, c'est qu'il y a des trucs qui sont complètement élucidés et ils reviennent jamais dessus. Et tu fais, bah j'aurais bien aimé qu'on m'explique. Parce qu'effectivement. Éludé du coup. Éludé, pardon. C'est aussi si élucidé, c'est cool. C'est un mystère plus, ouais. Ouais, c'est que par exemple, Lady Gaga, elle fait de la folk au début et puis quand elle devient connue, elle fait de la dance. Et t'es censé l'accepter et le gars il dit oh bah non, les paroles elles sont pas ouf. Et tu te fais oui, c'est vrai que les paroles elles sont pas ouf. Et elle, t'expliques pas pourquoi elle écrit. Tu sais pas si ça lui plaît ou pas. Le manager, en fait, tu comprends pas vraiment si. Parce qu'en fait, pour moi, au début, tu le vois comme un mec cool parce qu'il le protège de son mari qui est vénère, qui la traite super mal. Donc tu te dis, ah, c'est un mec cool. Puis à la fin, on te fait comprendre qu'en fait, c'était un mec pas cool. Et tu te dis, mais je comprends pas en fait. Alors ça, sur les managers pas cool, le truc on va de y genre, venir. Ah, et t'as pas mis. Pourquoi t'avais pas les danseuses? Ah, je leur ai dit de pas venir, tu sais. Enfin, je sais pas, enfin, ouais, je trouve trop détaillé. Non, mais c'est une relation toxique et romantisée. Mais pas très toujours, bien expliqué non plus. Et romantisée toujours la dépression ou la maladie mentale, je trouve ça me saoule aussi, tu vois, ou l'alcoolisme, tu vois. Genre, oh, putain, c'est trop cool, il est trop deep et tout. Non, niquez vos mères en fait. Ouais, et surtout qu'il n'y a ouf. Pas. Enfin, c'est juste. C'est un. Enfin, c'est traité d'une façon vraiment horrible, mais il y a juste peut-être le plus, c'est je trouve les scènes live. Ouais, sont jolis. C'est joli, ouais, c'est ouais. Non, puis lui, il est bon acteur, hein, Bradley Cooper. Enfin, moi, à un moment, j'oubliais que c'était Bradley Cooper. Ouais, de ouf. Cette voix aiguë, cette teinture blonde. Ouais, c'est vrai, il est méconnaissable, quoi. On aurait dit presque Lady Gaga. 44ème, The Great Showman, j'ai pas vu ça. Ah, oui. Il paraît que c'était pas ouf. Ouais, ça va. Bon, des bons tours de magie. Ah ouais? D'accord, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, moi, c'est mon petit. J'adore la magie. Donc il y a une scène de magie qui t'a impressionné? Bah oui, parce que, en fait, à la fin, il. La fille dont il est amoureux, il l'a. Bah, c'est un. Bon, tant pis, c'est un spoil, mais tant pis. À la fin, parce que pendant tout le film, il y a un running gag où en fait, il fait apparaître des pièces derrière les oreilles des gens. D'accord. Et les gens, et notamment à cette meuf, et qui est la meuf dont il. L'intérêt amoureux du film, un peu. Ouais. La meuf, elle fait ah, mais t'es relou, tu vas pas t'en sortir comme ça à chaque fois en me faisant apparaître une pièce derrière l'oreille et tout. Et à la fin, il met sa main derrière l'oreille, donc la meuf commence à lever les yeux au ciel, genre ah, il va me faire encore le coup de la pièce derrière l'oreille, et là. Ouais. Il sort une bague pour la demander en mariage. Oui, donc là, c'est un peu touchant. Parce que la pièce qu'il mettait, normalement, c'est Virginie Fira qui l'a mis dans le truc de la piscine pour pouvoir ranger ses affaires. Ouais. Donc c'est pour ça. Donc elle était c'est un lore, c'est mythologie. Hein. Mmh. Ouais, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est un lore, et dans Le Grand Bain, c'est lore Manodou d'ailleurs. Tu sais qu'elle peut plus nager, la pauvre. Ah bon? Ouais, elle a mal au dos. Lore mal au dos? Ah oui. Ça va, ça passe. Ouais, non, ça, elle est bien. Ça frotte un peu, mais ça passe. C'est comme un raté, quoi. Dans le dos d'ailleurs. C'est un créneau dans un parking. C'est des fois ça frotte un peu, mais ça rentre. L'homme qui tue a donc une chance. Bon, c'est pas la métaphore qu'on attendait. Enfin, hors micro, ça aurait pas été celle que t'aurais faite. Non, okay. Un peu au débeauté, j'aurais pas tenté. Ouais. Deadpool 2, nul. Pas bien. Nul. T'as une scène à sauver peut-être. Ah, le truc où ils sont sur le pont là. Il a la tête en bas. Non, ils sont sur le pont et ils sont en train de se flinguer, ils tirent, etc. Et bon, moi j'adore les trucs méta en fait, c'est pour ça. Ouais. Et il se prend une balle, Deadpool dans le bras, ça déchire son costume. Ouais. Et il dit appelez la costumière, tu vois, parce que c'est méta en fait. Le quatrième mur est brisé en fait. C'est ça, c'est ça. D'accord, mais c'est comme la scène avant, il fait, tu sais, quand il se branle, c'est une scène parce que c'est Deadpool, c'est un peu. Et tu sais, il jouit. Et oui, il fait je suis Spider-Man ou quoi? Ça génial, le mec. Il brise toutes les, tu vois, il brise toutes les limites. L'humour et la promo pour Deadpool 2 était top. Fallait la trouver surtout parce si tu lis pas les cahiers du cinéma, tu passes à côté. Même le truc avec Céline, le truc avec Céline Dion qui est une queen, je rappelle. Alors c'est même ma queen. C'est ça, Steve McQueen. Et vraiment, c'était marrant parce qu'en fait, c'était un mec, mais il dansait comme une femme, donc c'était drôle, quoi. Ça, c'était cool. J'avais bien aimé. Avec des talons. Des talons. T'es une femme ou quoi? Je rigole, c'est Deadpool. C'est carrément un mec avec des muscles. Et Ryan Reynolds pour le coup. Voilà. Ouais. Incroyable. Voilà. Second degré d'ailleurs, Ryan Reynolds. Oh, il fait une blague sur le fait qu'avant, il a fait un film pas ouf. Ouais. Je trouve ça trop drôle. C'est incroyable. Ah, c'est un king. Pour moi, c'est un king surtout. Oh, les photos avec sa meuf où il se coupe chacun. Génial. 33ème, Le monde est à toi de Romain Gavras. Qui est dans mon top 5, je pense. Ah, moi aussi. Ouais. Moi, c'est bien le meilleur comédien depuis très longtemps. Et surtout, Romain Gavras qui avait un peu tendance à trop être sur. Enfin, il avait quand même tendance à fantasmer les Kaira de manière un peu bizarre. Là, il a réussi à trouver la bonne limite, tu vois. Au juste milieu. Ouais, c'est-à-dire qu'il est encore dans ce game-là, mais ça va. Ouais, il y a plein d'idées surtout. Et très drôle. En fait, je comprends qu'il l'ait vendu un peu comme un film d'auteur. Je pense qu'ils auraient pas dû, ils auraient dû le vendre comme Taxi 1, tu vois. Pour moi, Taxi 1, c'est un bon film. C'est un bon divertissement. Et ça, c'était un très bon divertissement. Calmos, quand même. Calmos, je l'ai pas vu, mais on m'en a beaucoup parlé. Oh, joli. Problemos. Je l'ai vu et je détestais. Mais le monde est. Que en hausse, du coup. Que dérive en hausse. Non, mais le monde est à toi. Et surtout, c'est très très drôle. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très marrant. Et Cassel est ouf. Cassel est ouf et c'est ce qu'on. Moi je l'ai vu avec Pierre Lapidos, celui-là aussi. Et quand on est sorti de la salle, on était vraiment en mode ah putain, c'est une comédie populaire. Populaire des gens de notre génération, avec des rêves que nous on a et qu'auront pas forcément nos parents sur les Illuminati, les trucs comme ça. Et c'est. Non, je trouvais ça vachement bien. Plein d'idées de mise en scène, une vraie aventure en plus. Une vraie histoire. Enfin bon, bref, moi j'ai trouvé ça top de chez top. Ouais, dans mes top 5. 30ème Lady Bird. Mais attends, mais c'était aux Oscars l'année dernière. Ouais, mais c'est dû sortir en France en janvier. Oui, elle est sortie après. Pire escroquerie de cette année des Oscars. Moi je trouve ça sympa. Moi j'ai bien aimé. C'est juste une casse-couille. En fait. Ouais, mais j'aime bien Zach Braff. Mais tous les ados, ils mettent le rôle de Chalamet. Le rôle de Chalamet est atroce. Ouais. Léa? Léa Chalamet. Léa Chalamet. Léa Salamé. Ah oui, putain. Merci beaucoup. Léa Salamèche, Pokémon, j'étais pas. T'as trop geek aussi, toi. Quel geekos. Il a les cheveux roses. Non, mais en fait, je trouve que t'apprends rien et c'est juste des casse-couilles. Il y a juste la mère qui est absolument brillante. Mais même l'héroïne, moi, je l'aime. La trouve très intéressante. Ah ouais, bah c'est de la drogue, mec. Décroche. Allô. Non, mais je trouve que ça apporte rien. Il y a relation, c'est juste des gens casse-couilles. Enfin, moi j'accepte le fait de Floodcast. Non mais en vrai, ils essaient d'aborder. Mon adolescent, c'est triste. Bon, écoutez Floodcast, hein, c'est gratuit. Hein. Non mais ils essaient d'aborder plein de thématiques, l'homosexualité, le coming out, la dépression, le catholicisme et tout. Et il en fait rien. Et non, c'est une escroquerie pour moi. Alors qu'il y a Ace Grade qui est 10 fois mieux et qui est un peu dans le même veine film d'ado. Non, moi j'ai bien aimé. Ah, mais c'est pas le film de Bobert. Non, c'est ça. Mais qui est 1000 fois mieux, mais qui est indisponible en France aussi. Je crois, non. Bobernard, le truc de Bobernard. Il arrive lourd. Bobernard de Yann Kounen, ça. Ah putain. Oh la vache. Ouais, elle est bien. Je l'ai. J'étais sur un bon j'adapte, j'adapte après sur si le tu l'aimes défends-le Flaubert hein défends-le non je merde, le, mais parce qu'en fait je trouve que ce que tu dis est vrai mais c'est comme j'arrive pas à défendre le cinéma de Zach Braff c'est que moi je suis d'accord je suis sûr que pour plein de gens c'est insupportable Garden State je suis gros fan mais le dernier j'ai détesté ah bah moi j'ai préféré le dernier à Garden State c'est à dire que moi il y a un truc de je sais pas ça me touche ces gens là moi vraiment après je suis d'accord hein, je me suis fait chier un peu devant Lady Bird mais c'était Sundance 2008 rien ouais mais je sais pas j'aime alors oui c'est pas Little Miss Sunshine c'est pas tous ces trucs qu'on adore mais je sais pas j'ai après moi j'ai pas ce truc où je trouve la hype surestimée je m'en fous un peu moi tu me dis est-ce qu'elle méritait d'être nommée aux Oscars je te dis non je m'en fous un peu tu vois mais après est-ce que j'ai passé un bon moment au cinéma en allant voir ce film ouais. C'est tout ce qui compte c'est ce qui compte putain c'est tout ce qui compte c'est pour ça que je suis là moi on est pas là pour comme c'est quoi l'expression que bouder son plaisir ah bah ouais. Le plaisir on le boude si on veut ouais. Non, bah non. Bohemian Rhapsody, 29e. Pas vu. Pas très bien. C'est une super chanson, je sais pas si vous savez. Ouais, ouais. Donc, non, c'est pas bien. Moi j'ai trouvé ça très chiant. Alors, moi je l'ai pas vu, mais j'ai l'impression que c'est le cycle de 90% des trucs. C'est-à-dire qu'il y a un trailer qui sort, tout le monde a genre waouh. Et 6 mois après, les gens sont ah non, c'est de la merde. Et ça se tu vois, avec Batman vs Superman moi, par exemple. J'ai vu l'inverse moi. Ah, tu trouves. Dès le premier trailer, genre oh la gueule, c'est chaud avec son dentier. Et là, tout le monde est genre Léopold. Le pérave qui est genre oh, j'ai pleuré tout ça et tout le monde dit que c'est génial. Non, il a pleuré sur Bohemian Rhapsody. Ouais, ouais. Ouais. Il savait pas qu'à la fin il mourrait. Ouais, c'était pour lui. Donc il a été choqué de ouf. Non mais moi j'ai trouvé le traitement très bizarre. Ils éludent. Bah, il y avait pas de traitement à l'époque. Yes, parfait. Allez, nickel. Moi, je l'adorais. Il est malade, il a le droit de faire cette blague. Oh, oui, mais il a passé cette maladie. Moi, j'ai eu une grippe une fois, je me permets pas de ça. Non, mais il y a eu un truc chelou. Enfin, je sais pas si c'est juste une rumeur ou quoi, mais comme quoi les membres de Quid encore vivants ont vraiment cannibalisé le script en genre en gros c'est un film qui a mis le problème c'est à dire qu'en fait ils sont producteurs exécutifs oui voilà et du coup ils ont dit ouais ce serait bien qu'il y ait une partie qui dise à quel point Queen ça restait bien sans Freddie Mercury ou un truc c'est ça ouais. Et surtout ça ment enfin ça ment wow. Tous les films pour moi c'est des fake news je vous le dis ouais. Non c'est que ça romance beaucoup la vérité mais des fois des trucs un peu pour faire des trucs très clichés en fait c'est à dire ouais, que par exemple ils disent qu'il a pas eu le sida qu'il a eu de l'eczéma très édulcoré ouais. Et dans le film il a trois gosses donc vraiment il a une femme qui est super ouais. Ouais. Bah là pour le coup il a une femme parce que au tout début il était avec une nana et c'est elle qui bah, un peu comme tu disais la please scène like me. Voilà elle lui dit mais t'es gay en fait Freddy et du coup dans le film le truc en fait c'est que il te change des trucs de la vérité pour que ça en fasse des trucs de cinéma et par exemple il y a un manager qui est un peu une ordure mais là vraiment ça devient un méchant de Batman quoi c'est à dire qu'il est caché derrière un rideau il fait tu fais ouais, c'est limite si c'est pas lui qui lui inocule le sida quoi t'es là genre bah les gars doucement et effectivement il y a tout un truc aussi où Freddie Mercury pète un câble il fait je veux faire mon album solo sauf qu'en fait la vraie vie c'est que c'est un des autres gars de Queen qui a fait un album solo avant que personne a trouvé ça grave. Et après ils disent on va se reformer pour le Live Aid. Pareil, ils sont jamais séparés. Enfin, c'est que des trucs vraiment gros en fait. C'est pas juste ouais on a un petit peu changé. C'est vraiment ils ont romancé de malade. De base c'est quand même réalisé par un pédophile aussi non. Ouais. Enfin juste si tu t'arrêtes sur des détails. Oui voilà. Ouais. Mais c'est bon. Ryan Singer. Donc on dit son nom au moins comme ça les enfants qui nous écoutent feront attention. Ouais, ouais, ouais, non, mais il paraît qu'il a juste été pris parce que son nom de famille était le métier de. Donc c'est vraiment comme Karine Le Marchand à la base qu'ils réalisent, ils ont fait m'attendez, ça n'a rien à voir avec le Loup de Wall Street elle avait fait Karine Le Marchand. Oh, très vite. Oh là là. Des fois c'est pathétique et des fois c'est guère mieux. Ouais. 27e les frères sisters, pas mal. Moi j'ai bien aimé, pareil qui s'est fait défoncer inutilement. Moi je me suis resté à Sisters sur Disney Channel. Yes. Bah, c'est une adaptation dis-toi. Dis-toi en fait c'est le même univers. Moi je suis resté à Wonder, la chaîne féministe de Golden Network. Bah d'ailleurs, je te rappelle qu'il y a un grand concours Golden Moustache pour savoir le meilleur des sketchs. Bah oui. Alors, les deux premiers, 50-50 dis donc. McFly et Carlito et les Suricates, égalité parfaite. C'est fou. Sur des milliers, voire des millions de gens qui votent. Égalité parfaite. C'est dingue hein. Comme si on voulait se fâcher avec personne au final. C'est bizarre. C'est surprenant. C'est et surtout, bah, enfin, en fait, il y avait avec déjà. Personne, parce que par exemple, les deux personnes, ils se sont battus les couilles de se fâcher avec. Non, ouais, c'est ça. Non, bah, on a oublié, mais Movie After Life, j'ai travaillé dessus, Guillaume. Là, les gens ont vite oublié, mais sur les quatre, j'en faisais un peu partie. J'ai des moustaches. Non, mais. Non, mais en plus, ce vote avait déjà eu lieu, ça s'appelle les vues. En fait. suffisait de. C'était très rapide en fait, comme compétition. C'était le principe de comparer des chiffres et tu disais, bah voilà! Voilà qui y a gagné. Mais il fallait faire comme Sofiane pour un peu booster. C'est pas mal. Oui, mais en fait, le truc, c'est que de toute façon, ce sont les mêmes gens qui font les vues, qui votent. Donc en, c'est assez logique. Est-ce que tu votes pour le truc que t'as vu? C'est pas comme si t'as un jury d'experts qui va pondérer les votes du public. C'est encore les mêmes. Excellent. Bon, enfin bref, on passe totalement pour des rageux. Mais, oh, tu s'en épuises après. 25e Black Panther. Pas si bien. Black Panthéros, j'ai... du coup, là. Ouais, est... Coolos. Je l'ai pas vu, mais j'ai adoré parce que je suis woke. Mais ouais. Ghostland. Bon, les couilles. Bah, moi, je trouvais que c'était Ghost World en moins bien. Ce qu'il est à Orlando, celui-ci. Sans un bruit. Disneyland, Disney World. Sans un bruit, A Quiet Place, 22e. Pas mal. Cool. Pas mal. Ouais, ouais, franchement. Cool. Toi, c'est quoi la scène? Bah oui, je suis allé au cinéma à 19h au Hall, donc je peux vous dire que. Sans un bruit, c'est pas vraiment. Ouais. Ouais. La scène qui m'a touché, bah c'est. Bon, on peut rappeler le principe du. Ouais, en fait, c'est des monstres qui ne réagissent qu'au bruit, donc en fait, t'es dans un monde où il y a. C'est bien ou pas? Bah, Adrien. Bah, en fait, oui, c'est bien. En fait, c'est un vrai bon. Alors, pour info, c'est écrit et réalisé par le mec qui joue Jim Halpert dans The Office. Tout à fait. John Krasinski. Ouais. Non, moi, la scène qui m'a particulièrement touché, parce que c'est un couple dans le film, c'est un mec et sa femme. Affirmatif, oui. Voilà. D'ailleurs, la femme, c'est. Comment elle s'appelle déjà? Emily Blunt. Voilà. Blunt. Qui est la femme de John Krasinski. Comme quoi, complètement fire. Pendant tout le film, ils évitent de trop parler, de faire du bruit, machin, etc. Et il y a un moment où vraiment les monstres, le danger est vraiment pas loin. Et le mec, en fait, c'est un peu nul à raconter comme ça, mais en fait, il lui dit, il chuchote, I love you, enfin, je t'aime, quoi. Ouais. Alors, et en fait, c'est un truc où ça prend tout son sens dans le film parce que. C'est un couple qui est un peu en danger. Parlé, c'est un couple qui est un peu en danger et du coup là, c'est hyper symbolique parce qu'il prend un vrai risque en lui disant. Et du coup, en fait, là, c'est nul de raconter comme ça. Mais dans le contexte du film, t'as la chair de poule, quoi. Bah, c'est marrant parce que c'est une parce scène qu'il lui moins. Dit je t'aime alors qu'il risque littéralement sa vie pour lui dire quoi. Moi, c'est une scène qui est moins métaphorique, mais c'est quand même une vraie scène d'action qui m'a un peu cloué à mon siège. C'est, tu sais, donc tout le long, ils font. Ça va pas ou quoi? T'as mis plus taré ou quoi? Toi, je te rappelais ce qui s'est passé quand même. Ouais. Et donc ils sont cachés dans la chambre là, l'espèce de truc. Et là il y a. Mais attends, tu rigoles, on dirait. Non, que non, c'est pas moi qui rigole, c'est Pierre. Moi, ça me touche parce que j'ai. Il faut que je le remette en DVD parce que moi je l'ai vu qu'une fois au ciné. Ouais. C'est la scène où il fait. Non mais toi tu dis n'importe quoi. Toi tu. Moi, j'essaie de raconter des trucs un peu du film pour donner envie aux gens. Mais... Non, cette scène n'est pas dans le film. Pardon, excusez-moi, j'ai tenté un gag. 21ème, The House That Jack Built. Bon, j'ai déjà vomi toute ma haine sur ce truc. Voilà, pas besoin. Ouais, du gratos. Ouais, mais en même temps, c'est pas très bien. Bah, moi, il y a quand même la scène où il rase la tête de 12 enfants et il éventre un chat. Il vide le chat de ses entrailles et il le remplit avec les cheveux des enfants et il recoule le chat. Et le chat reste vivant. J'ai trouvé ça débile. Voilà, c'est juste cette scène là parce que t'es passionné de zoologie aussi. Ouais ouais, mais ouais. Vraiment c'est alors là ça n'a aucun sens. Non, c'est une métaphore. Ouais, c'est une métaphore mais ça me je sais pas, bah, c'est gratos, The Cat, hein, c'est de l'écriture hein. C'est ça. Il save littéralement The Cat au début avec des cheveux, enfin c'est vraiment très bizarre mais vraiment c'est tiré nul, par là. Les cheveux du coup. Ouais, oh là là, il manie les mots. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Bah je jongle avec les mots. Ouais, c'est vraiment 20ème Pentagon Papers, j'ai adoré. Nul. Ah bah alors Panteros Paper, on va rester sur. Il revient. J'ai adoré ce film, j'ai trouvé ça chiant. Formidable. Panteros Paperboard peut-être. Ouais, ah, oui, oui. Oui, oui. Et puis Sergent Paper. Et j'ai pas peur, la vidéo de Golden Moustache. Post-attentat. Que je vous invite à regarder. Black Lanceman, 19ème. J'ai pas vu. J'ai pas aimé moi. Moi j'ai bien aimé et bizarrement pas la scène dont tout le monde parle, celle dont Adrien vous parlera plus tard. Ah, de fin. Oui, non, je parle de toute fin. Black Lanceman. Celle qui la scène post générique. C'est ça. Ah ouais, c'est l'enfer. C'est en fait c'est le film de Spike Lee. Ouais mais Black Lanceman, Black Klansman. Ok, oui, ouais, d'accord. Black Lanceman, c'est genre. Je pensais que c'était genre. Non mais je crois que c'était genre Black Panther mais avec un super héros qui est assez nul dont le seul pouvoir est d'avoir une lance en fait. Ah oui non d'accord. Black Lanceman. Je trouve le film, je trouve qu'on sait. pas trop où il va. Et sur fait, quel pied danser? Et à la fin, en fait, on peut le dire parce que c'est pas un spoil, tu vois, ouais. Mais en gros, il fait une espèce de. Donc le film s'arrête, il pourrait s'arrêter très bien là. Et ils te font un truc. Ça finit un peu sur une happy end. Ouais, cool. Ils te font un truc. Il te met un montage en fait de tout ce qui s'est passé un an avant, donc là en 2017-2018, avec Charlottesville, les flics qui tuent des noirs, des trucs comme ça, et tu sais, des images de Trump. Et en gros, c'est vraiment genre giga clin d'œil, wink wink wink, ça va arriver, attention. Sachant que t'en as pas mal pendant le film déjà. Déjà. Fait dans le film, t'as les mecs du Ku Klux Klan, donc en fait, tout le truc c'est que le chef du Ku Klux Klan est devenu un collaborateur maintenant aujourd'hui de Trump. J'ai oublié son nom. Oui, moi David aussi. Spade, je crois. Un truc ouais, comme ça. Non. Non, ça c'est David le pote Spade, de Adam c'est Sandler. Un mec du SNL. Ouais, ouais, c'est le pote d'Adam Sandler. Non, mais il y a c'est un truc comme ça, je sais plus. Ouais, ouais, ouais, on va. Et donc, mais tout le long, c'est. Mais vous verrez qu'un jour, un mec comme ça sera président des États-Unis. Et tout le long du film, moi, je suis ok. Franchement, non, mais ça va. Dans la fiction, je suis ok et tout. Mais après, le à la fin, où il te montre vraiment la voiture qui percute une gamine qui est décédée, vraiment. C'est David Lafarge. C'est David Duke. Pardon. En plus, vraiment, c'est d'une violence que t'as pas forcément vu. Que t'as eu l'opportunité de le voir si tu voulais. C'est-à-dire, c'est pas une info auquel on a pu passer à côté. Ouais. À côté de laquelle on a pu passer, pardon. Ouais. Et là, t'es au cinéma tranquille, tu vois. Tu vas voir un Spike Lee, donc t'es quand même plutôt quelqu'un qui est au courant de ces trucs-là. Ouais. Et il te le met sous tous les angles. Il met la meuf qui se fait écraser. Tu te dis, enfin, casse-toi, tu vois. Ouais. J'ai pas envie de. Et surtout, ton film, je le faisais. Ouais. Enfin, parler bien du truc, t'as pas obligé de rajouter ça. En revanche, 16ème. Moi, Tonya. Il faut que je vois. Et bah écoutez, moi, pour moi, c'est le film qui a été injustement boudé par les gens parce que personne ne l'a vu ce film. Et je le trouve boudère. Super. Bah, ça a été injustement boudé. Humoriste. Je cherchais comment l'amener. Et moi, j'ai rien, aucun effort. J'ai juste répété avant de changer le mot. Mais c'est comment il s'appelle le film? Moi, Tonya. Moi, Tonya. Moi, Tonya. Moi, Tonya. Moi, Tonya, c'est un film Pixar. Que des émotions. Ouais, c'est ça. Non, moi, Tonya, c'est sur le. Et la tagline, c'est. Intestin incroyable. Oh venez, on le fait. Je lève mon verre. Si quelqu'un veut faire la fiche de. Ah, je vous en supplie, amis auditeurs. Vous allez voir, le trailer serait genre un verre pas si solitaire. Il va se faire des amis. Oui, c'est ça, en fait, c'est un verre solitaire qui est tout le temps tout seul. Ouais. Et il veut se faire des potes, quoi. Et il sort du trou de balle. Et il part à l'aventure. Avec un petit baluchon, il sort d'un trou du cul. Faisons-le. On fait un One War. On filme en animation, en dessin. Non, en 3D. Non, en prise de vue réelle, comme ça, ça me ferait un rôle. Non, moi, Tonya, pardon, c'est sur la. C'était sur la patineuse artistique, interprétée par Margot Robbie. Cette meuf qui a été accusée de violence. Tonya Harding. Voilà, Tonya Harding. Sur Kerrigan. Exactement, et le film est très cool. Elle était plus qu'accusée, genre c'était vraiment. Elle est quoi. Coupable, même. Non, mais le film est très bien fait, assez intelligent, malin. Il y a des petits trucs à la Scorsese de je m'adresse à la caméra. Ouais. Enfin, je trouve ça. C'est très. Margot Robbie est très forte en fait. Enfin, c'est vraiment une. Bah, je sais pas si Adrien, t'as une scène que alors, t'as marqué. Je l'ai vu ou... deux fois moi. Ah oui, d'accord. Okay, okay. Et j'ai bien aimé, effectivement. Ouais, c'est cool. Hein, c'est t'as pas forcément de scénario. Parce que moi, il y en avait une où vraiment elle se retourne vers son coach. Et c'est au tout début de sa carrière. Et elle lui dit des fois, tu sais, je sais pas si c'est moi qui glisse sur la glace ou si c'est la glace qui glisse sur moi. Waouh. Wow. Ouais, c'est vrai. Ça m'a vraiment fait. C'est vrai que. Et d'ailleurs, ça fait fondre. Ça t'a dit. Ah bon. J'ai dit froid dans le dos, mais toi, c'est mieux. Mais d'ailleurs, il y a un moment, Margot Robbie, là, elle voit le truc de patinage artistique, le truc de glace, quoi. Enfin, l'étendue de glace. La patinoire, quoi. La patinoire. Elle fait, t'imagines, si tout ça s'affondrait, bah, on pourrait foutre Philippe Catherine dedans. Et après, il ferait. Et il danserait un peu dedans. Bah. Tout est lié. Ouais. Tout est lié, c'est beau. 15ème. Bah, cela dit, il adore regarder danser les gens, mais il danse pas forcément. Ouais. Surtout si tu coupes le son. Enfin, quand tu coupes le son, il pète un câble. Là, il devient complètement mais après, dingue. Il le remet très vite. Ah bah, s'il le remet, il est content. Ouais. Si, ouais. 15ème, Hérédité. Énorme déception. Ah, t'as pas aimé? Ouais. Mais qu'est-ce que t'as aimé, bordel, Pierre? Non, mais je veux dire, là j'avais des grosses attentes et tout le côté occulte, culte satanique. N'en dis pas trop, peut-être. Esquiver. Mais... Ouais. Enfin, tout le truc un peu dark. Ouais. Pour légitimer ou escape un peu ce qu'on attendait. Mais flippant quand même comme film, on est d'accord, non? Oui, mais après. Un peu traumat sur 2-3 trucs. Ouais, mais après, ça reste des jumpscares, je trouve assez basiques en fait. Moi, si c'est traumat, je vais rien comprendre parce que j'ai fait ES moi. Donc. Tu devrais connaître ça vu que t'es vegan, les traumates. Les traumates rouges. Ah oui, les traumates farcis. Les... Oui, d'accord. Ouais, excellent. Traumates farcis sera le titre. Non, mais Hérédité, il y a un bon traumate mojo. Traumates ciselés. T'as dit quoi? Traumates ciselés. Très loin. C'est très loin. Putain. Hunters de Silver Lake. Moi, j'ai bien aimé. Alors, je pense qu'on peut vraiment... Tu vois, c'est bien. Et moi, j'ai bien aimé. Putain. Bah comme quoi il aime des trucs. Ouais. Ouais. On dit il aime rien. Mais ouais, c'est dommage, c'est de la merde. Quand il aime, on faisait. Oui, c'est dégueulasse. Dès qu'il aime pas, Pierre, on faisait. Oh bah attends, tu t'amuses. Ah non, mais bah, en vrai, vas-y. Qu'est-ce que t'as aimé dans. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont aimé. Est-ce que vous pouvez aimé. Parler du film un peu, le raconter pour. Bon, moi je l'ai vu évidemment, mais pour les gens qui l'ont pas vu. Bah, en vrai, pour le coup, et là je vais faire cette phrase que t'aimes pas faire, mais c'est un peu dur à raconter. Bah je l'ai dit littéralement en parlant de Please Like Me. C'est ça. Pourquoi tu dis que je l'aime pas alors que je l'ai dit vraiment. Bah, tu me dis une phrase que t'aimes pas. T'as pas dit au début que t'aimais pas trop dire ça? Il me semblait que t'avais introduit cette phrase en disant j'aime pas efficace. Trop. Non, c'est efficace. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai mélangé. C'est un mec qui fait une enquête sur une nana et en même. Pardon. Mais va te faire foutre, sérieux. Ouais, je comprends, j'ai hérité. Tu confonds les trucs que je dis? Ouais, excuse-moi, j'écoute pas en fait. Ouais, okay. Je mange dans le micro, c'est ce que je fais. Il rencontre une meuf dans son appartement, enfin à côté de son appartement, et il tombe un peu croque-love et elle disparaît le lendemain et il essaye de juste la rechercher. Il la retrouve et elle est sous le lac. Elle était morte depuis 50 ans! Sous le lac d'argent. Et donc, ah, mais le titre spoil en fait la photo. Non, mais c'est un espèce de film assez ludique. Grégoire, Escape Game. Oh putain. Pas il est inaudible celui-là, il est inaudible. Ouais. C'est un des pires podcasts. Mais ouais. Du coup, sûrement un des meilleurs. Dans les meilleurs. mais je veux dire, c'est un peu trip branlette psychédélique. C'est important. Tout ce qu'on peut détester. Mais moi, je me suis laissé vraiment avoir. La branlette, non. Et esthétiquement parlant, ouais. Moi, je trouve ça top, perso. C'est trop bien. Pour rappel, c'est le mec surtout de la fin, Follows. Quand t'éjacules. Ouais. Je trouve ça super. C'est le mec d'It Follows et que c'est un tueur. Et pour moi, j'ai vraiment. Tué des mecs. C'est honteux. On pardonne tous aux artistes, ouais. Et ça, faut séparer l'artiste, ouais, des fois, même. Tu vois. Donc là, j'ai séparé, j'ai kiffé son film. Faut séparer l'homme de The Artist. Il faut séparer l'homme pâle de l'artiste pâle. Il faut séparer les couleurs du blanc, d'ailleurs, aussi. Quand tu fais une machine. Non, c'est vrai. Le pâle. Oh là là. Putain, wow. Bon, bref, les 8 auditeurs qui sont encore avec nous. On les embrasse. C'est la fin de l'année. C'est un peu ambiance, repas de famille. Si vous faites votre Noël tout seul, écoutez, ou toute seule, écoutez ce podcast en mangeant seul pendant la vie de Noël. Ça ne rendra votre soirée que pire. Voilà, nous serons vos oncles nuls. Non, mais donc pour finir. Pardon, pour commencer même. Ouais, je sais pas. T'as pas été te couper. C'est une enquête un peu, mais un peu chelou. Non, mais, quoi. Mais c'est chelou surtout ça, l'intérêt du truc. C'est chelou et. Non, mais en fait, c'est le film qui m'a. Rendu, enfin le feeling que j'ai eu à Los Angeles en ville, donc c'est un truc de privilégié, Silver Lake, tout ça. Le quartier de Los Angeles. Ouais, voilà, mais tu vois, c'est genre un truc de privilégié et tout ça, je mais connais. J'ai vraiment vu, enfin cette ville et mon voyage à Los Angeles a été le pire et le meilleur de toute ma vie en fait. C'est-à-dire qu'il prend des Uber Pool tout le temps. Non, même pas, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar cette ville en fait. Mais c'est starbé et je trouve que ça retranscrit très bien ça et j'ai apprécié ça, mais c'est un truc personnel, tu vois. Ouais, et j'ai l'impression que le cinéma, c'est aussi quand tu vois cette grande toile. C'est vrai. En face de toi, t'as envie d'y projeter des choses. C'est quoi les choses? C'est des émotions, c'est des ressentis, des expériences. Et c'est textoriser des choses. Et moi, de voir ça sur cette toile, c'est un peu un grand miroir. C'est ça. Et moi, j'ai été ce grand noir peintre. Parfois. Ce grand peintre sur cette toile. C'est blanc voilà. Les toiles de cinéma. Ouais. T'es quand même ce peintre qui. Oui, voilà, du oui, coup. Bien sûr. Ouais, donc j'ai il a rien raconté, c'est toi qui a imaginé des trucs, et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça. En fait, le film n'a jamais vraiment commencé. Voilà. Il y a eu une panne en fait. Moi j'ai kiffé, voilà. Bon, moi je vais pas faire l'orageux, si t'es des gens qui kiffent. Ouais. Je suis pas rentré dedans, voilà, c'est juste ça. Je suis pas rentré dedans. Alors comme dans les femmes pendant l'adolescence. Alors, Les Indestructibles 2, 12ème. Chouette, mignon. Mais Pixar mineur, mais cool. Pas, ouais. Voilà. Mais après, est-ce qu'un Pixar mineur, c'est pas déjà mieux que la plupart des dessins animés qu'on se tape en ce moment? Bien dit. En tout cas. Ça, je vous le dis, c'est écrit dans ma critique. Ouais. Sans critique, je préfère vous le dire. La Justice Bureau 2, non, toi, t'as pas kiffé plus que ça, je crois. Oh, c'est gentillet, quoi. Voilà, c'est quoi la scène qui t'a. Bah, avec le bébé, là. Ouais, oh, pas mal. Non, mais si, mais quand le bébé, il est. En gros, enfin, je sais plus, c'est. Pardon, c'est qu'ils lui disent ah, oh, il a encore cassé tous ses jouets, il a cassé. Nana, il a cassé Nana, il a cassé Nana, il a même cassé la voiture. Et là, tu vois, il a cassé une vraie voiture. Oui, pas une voiture en jouet. Ouais, parce qu'il a une force surhumaine. Ouais, bon. Enfin, t'as pas dit que dans tout film, il casse sa petite voiture en jouet. Et à la fin, c'est la grosse voiture. Il a même cassé la voiture. Ouais, c'est ça. Bon, tu t'attends à voir un jouet, c'est une vraie voiture. La voiture qui est doublée par Isabelle Nanty. Non, mais si, faut le dire, parce que c'est elle qui fait la voix française. 11ème, Mission Impossible Fallout. à ne pas mélanger avec le jeu vidéo Fallout, oui, qui oui, n'a rien à voir. Que Adrien connaît, qui est moyen. Parce que t'es un gamer. C'est le 76, voilà. Pas le 3. Mais pas Fallout, Jackass version scientologue. Oh là là, télérama. Moi ça, moi celui-là. Il a ses punchlines. Trop con, stupide. C'est. Moi télérama. Il parle comme dans les. Tu sais, tu te souviens ces critiques dans le Grand Journal où il y avait. Oui, mais si t'avais regardé le club, bah t'aurais vu ces parodies qu'on a fait. Très drôle. Je fais comme tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Pas le club. Non, mais voilà, il y avait un grand truc. C'était. Ah, ça devait pas être Tom Cruise, il est tout petit le mec. Oh, c'est Superman. Christophe, oui, j'allais dire Christophe. Christophe Reeve, non, non, c'était. Ce qui t'a kiffé, c'est. Henri Cavill. Henri Cavill. Ah oui, avec sa grosse moustache. Ouais. Henri Cavill Cohen, pour les gens qui suivent l'humour stand-up en France. T'as dit quoi? Non, non, mais c'est un jeu de mots que personne comprend ici. Ah oui, bah, oui. On a vraiment. On a lâché la rampe. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Moi non plus. C'est pas grave. Dis-le. Non, mais je dis Henri. Henri Cavill, c'est le seul truc cool, et Tom Cruise l'a compris, et du coup, bah, tu sens qu'il a sucré un peu du rôle et qu'il le mettra en retrait alors que c'était vraiment la vraie force de ce Fallout. Ouais. Et ils ont raté. Voilà. Je suis pas d'accord avec toi. Ok. Wow. Il est bien ce podcast où on débat pas. On dit juste on n'est pas d'accord. Ouais. Non, si, moi j'ai bien aimé les scènes d'action, j'ai bien aimé. Après, Tom Cruise, ça fait 30 films hein, qu'il est comme ça, qu'il fait des. Enfin, tu vois, qu'on sent. Qu'il est surhumain et que c'est lui le héros et que. Non, mais c'est juste. Ouais, c'est le Jackass qui fasse des clips ou des trucs plus sur MTV, ça les me va. Les scènes sont quand même bien réalisées, moi je trouve les courses-poursuites, ouais. Les trucs. Bah, sauf quand, même... quand t'es à Paris, déjà tu il passes. Il tourne à gauche, c'est Saint-Michel. De duplex et après t'es à Bastille. Ça met pas 5 minutes, hein. N'importe quoi. Non, et, mais. Et, en vrai, les embouteillages quand même. Ouais. Ouais, là ça roule bien, je trouve quand même. Hidalgo. Dixième, First Man, premier homme sur la Lune. Très bien. Super. Film injustement boudé au Golden Globes. J'ai vu qu'il n'était pas du tout nommé, alors que tu vois, il y a un vrai changement par rapport à tous les films d'espace, Adrien, que t'as pu voir notable. Bah l'humain, tout simplement l'humain. C'est quoi. Ça. C'est pas. C'est-à-dire qu'avant il y avait c'était un peu de la branlette scientifique, genre regardez. Non. Oui, mais qu'est-ce qui se cache derrière le scaphandre? Est-ce qu'il y a pas un cœur qui bat? Là, on le voit. Non, il y a un visage, par contre. Oui. Je parle de la combinaison. Oui, voilà, c'est ça. Pardon. Le scaphandre. Je peux me permettre, c'est pas le premier film de fiction sur un homme qui marche sur la Lune. Waouh. Oh, je l'ai. Parce que je voyais, tu sais, la Lune, les fesses, que c'était un film. J'étais genre quoi? C'était Adrien qui. Non, là, non. Les Illuminati. Tout bonnement. Non, qu'on salue d'ailleurs. Gros succès, les Illuminati. Big up à tous les Illuminati. Ouais, dans notre public, on en a vu 43% quand même. Voilà. Non, super, très bon film. Non, très bon film. Mais alors, par contre. Il y a eu un blanc et tous les gens qui écoutent ont vachement respiré pendant ce moment-là. Ah, ça a duré une seconde et ils sont hyper soulagés. Mais surtout, moi, j'ai trouvé ça. Comment dire. Je sais pas si. L'expérience cinéma, même si c'est vraiment une phrase de trou de balle, était parfaite. Ouais. J'ai kiffé le voir vraiment pour le coup sur un grand écran avec le son à fond et tout. Je sais pas si à la télé c'est. Ça, je sais pas si c'est traditionnel au film d'espace que ça m'avait fait ça avec Gravity aussi. Mais il y avait vraiment un truc où je me dis putain, là vraiment. Le côté tout crado des machines et tout, non, j'ai trouvé ça fabuleux. Un de mes films préférés, moi perso, de cette année. Ouais, mais du coup, c'est vraiment ciné, du coup. Ouais, au final, on s'est orienté là-dessus. Mais bon, j'aime bien. Ah, étonnant, le mec, il est cinéphile, je vous rappelle. Hein. C'est vrai qu'il j'ai une carte. Vous savez que j'ai une carte UGC. C'est vrai. Ouais, ouh, je la sais, duo ou pas. Je peux tout voir. La duo, j'ai la duo. Moi aussi, mais je ne l'utilisais pas. Non, parce qu'il a dit. Ah ouais. Vous savez, j'ai une carte UGC. Il avait dit, je sais. Oui, je sais. Oh putain. Parce que s'il a dit, j'ai une carte Gaumont. T'aurais dit bon non, je sais pas. C'est bon, j'ai compris. Immonde. 7ème Avengers Infinity War. Rien compris. Il y a trop trop de trucs maintenant, ça y est, c'est fini, on comprend plus rien. Arrêtez. Mais ouais, je me disais ils sortent un film, ils sortent un deuxième film, après ils disent on prend les deux films, on en fait un autre film. Et ils font ça et puis c'est exponentiel et après on comprend rien. Bah arrêtez, voilà. Je suis d'accord. Petit tableau de vieillesse là quand même. Mais je l'ai pas vu. Je sors. Quoi t'as vu tous les films d'avant et celui-là j'ai pas vu. C'est quand même un gros film celui-là, c'est ton bizarre quand même celui-là. Bah je peux pas voir tous les films. Oui, là il y a un film moi qui m'a surpris, je l'ai pas du tout vu, Hostile. Ah ouais, putain. Ouais, avec Christian Bale. Pas vu. En revanche, 5ème, un autre de mes films préférés cette année, Phantom Fred de Paul Thomas Anderson. Phantom Force d'Adrien Méniel. Oui. Et Jérôme Niel. Incroyable. Phantom Fred, incroyable film. Incroyable. Je trouvais ça magnifique. J'ai jamais entendu parler. C'est avec Daniel Day-Lewis qui fait de la couture. Je l'ai vu, mais. C'est Daniel Day-Lewis qui fait de la couture, pour te le résumer très grossièrement. Ah bah, du coup, tu peux. Et c'est. Non, surtout, c'est. Son dernier rôle, soi-disant, en plus. Il avait dit que c'était son dernier rôle au Cinoche. Par contre, il va faire que que du web maintenant. Talent du web. Il fait des vidéos YouTube, Daniel Day-Lewis, tout simplement. Et ouais, Paul Thomas Anderson, réalisateur ô combien génial de Magnolia, de Boogie Nights, Punch Drunk Love, et comment il s'appelait, There Will Be Blood, avec déjà Daniel Day-Lewis. Yamakasi aussi. Yamakasi, Les Fils du Vent, le 2. Oui, le 2, ouais. C'était vraiment merde. C'est vraiment. Oh, la face, ouais. La vue, c'est vraiment. C'est vraiment fatigué. C'est vraiment un film que j'ai vu. Et Adrien? Non, mais c'est assez. Je suis fatigué. Après, je suis ravi de parler des films que j'ai vus. Hein. Je vois les films qui arrivent après, putain. Non, mais là, oui, quand il dit. Bon, c'est une traduction un peu littérale, donc ça marche mieux en VO, mais quand il dit. Pour coudre, il faut du fil, mais le fil de la vie, ça fait longtemps que je l'ai perdu, tu vois. J'ai perdu le fil. Il le redit après. Ouais. Et d'ailleurs, il tient un fil du bout de ses doigts et il le remue comme ça. Ouais. Fait, tu vois, c'est ça, c'est le fil. Bah, si c'était le fil de la vie, je l'aurais pas perdu. Ouais, il dit plusieurs fois, il paraphrase un peu la même pendant tout le film. Ouf, ouais. Il savait pas comment formuler la réplique. Là apparemment. Où c'est terrible en plus, c'est qu'à la fin du film, t'as la chanson qui s'appelle Bout du fil, qui est en gros chantée par Céline Dion. Ah ouais. Chante, ouais. Décidément. Je crois que c'est la chanson de fin sur Tom Fred. Ouais. Bah après voilà, c'est aussi à l'oreille, hein. Putain, je te fais ça. D'accord, Phantom Fred. Oui, bah moi ouais. Je comprends Fred, hein, depuis tout à l'heure, genre le diminutif Fred. Du prénom mais Frédéric. Mais ça fait un autre film. Ouais, c'est un docu sur la carrière de Fred Testo. Elle est violente, mais elle est super. Alors que j'aime beaucoup cette chanson. Elle t'a fait mal de la sortir. La Femme de l'eau, quatrième. Bah c'est. C'est plat. Bah, ça dépend, ça peut. Ça dépend quand tu la mets. Sauf quand, à la limite, parce que je repense à ce film, quand il y a Benoît Poulevard qui fait une bombe. Ouais, à la Femme de l'eau, bon, bah, elle prend une forme. Ouais. Crossover, il y a eu en 2018. En vrai, si tu veux faire un bon buzz, parce que moi je sais que vous adorez le buzz, les gars du club, vous faites un mash-up de bonne annonce avec Le Grand Bain et La Femme de l'eau. Tu mets les répliques de l'un sur l'autre. Oh, ah ouais. Là, c'est le buzz. Là. Je elle vous tombe dis, hein. Amoureuse de Philippe Catherine et c'est what the fuck parce qu'il est un petit peu chum et tout ça. Ouais. Non, là, c'est toi qui mets des jugements de valeur, mais. Non. Waouh. Wow. Toi, t'as détesté La Femme de l'eau, je crois. Ouais, incroyable. Okay. incroyable. J'ai pris l'otage. Je l'ai regardé dans l'avion en allant au Japon et puis j'ai pas continué en fait. On est d'accord que quand on dit je l'ai vu dans l'avion, c'est pour dire c'était pas ouf. Ah fait, non. Alors moi en fait c'est vraiment le moment dans l'avion où je fais oh putain plein de films que j'ai pas vu trop bien et je les commence tous en me disant ah mais je vais pas le regarder dans l'avion, c'est un peu bête et du coup ouais. Je regarde les 5 minutes d'après tous les films qui sont dans l'avion et j'arrête. Moi okay. Je regarde des grosses daubes dans l'avion. Après, sinon, ah ouais. Je regarde une daube et fais tout camping. Après si tu veux voir La Forme de l'eau dans l'avion tu regardes par le hublot quoi. Si tu es au-dessus de la mer. Ouais. Si tu voles bas parce que du coup souvent c'est les nuages quand même. Bah si le ciel est dégagé. C'est ce que je regarde moi quand La Forme de la Terre. Et elle est ronde, mon gars. Donc, ah ouais. Pour les petits qui nous écoutent, vous vous trompez. Pour revenir un petit peu sur l'actualité 2018, La Forme du Lot, elle était pas ouf. Parce qu'il a démissionné. La Forme du Lot, Nicolas Hulot. Ah ouais. Oui. On s'enfonce de plus en plus. Potentiellement, je peux écrire les guignols. Oui. la dernière saison, hein. Mais je peux être dessus. Benjamin, gare à toi. Ready Player One, troisième. Bah, ah, moi, c'est un top qui est fait par Pierre, j'ai l'impression. Ouais. Bah, moi, j'ai adoré. Mais on va pas repartir sur ce débat avec Pierre, mais j'ai trouvé ça génial. De quoi pire film. Ready Player One. Ah. Magnifique film. Pire film. Je vais faire mon casque, pardon. Réactionnaire. Réac. Il a juste dit, faut sortir de jeudi. Bon, c'est réac. Non. Moi, c'est vraiment un débat que j'ai eu. La vision du gamer puceau. Ouais, mais qui a plein de potes grâce aux jeux vidéo. Ouais, techniquement. Des Chinois et qui font du kung fu. Ouais, bah. Wow. Pardon, mais il y en a, ils sont très forts à ça. Je ne laisserai pas chier là-dessus. Il y a une vanne que j'ai bien aimée quand même. C'est quand, tu sais, il y a la scène d'action machin. L'autre il le rattrape et lui dit putain merci tu m'as sauvé la vie et lui dit bah de toute façon t'en as trois non. Ça c'est une bonne vanne. Faut être gamer pour moi, la voir. Moi je la connaissais déjà mais en t-shirt. Spielberg l'avait je pense bien noté dans un non, petit il carnet bien adapté. Il l'a bien non, adapté. Non mais c'est, je pense Spielberg l'avait d'abord. Ah c'est un hommage tu penses. Il l'avait non, c'est non, un hommage à goéland.fr. L'India boutique. L'île aux chiens deuxième. Très beau film. Oui mignon. Bon, gerbe. Oui. Gerbe directement. Non, mignon, c'est sympa. Je mange pas de pain, hein, faites pas de miettes. L'île aux chiens, c'est quoi? C'est une île avec tous mes ex dessus? Ouais, je peux pas. Non, c'est plutôt les politiques. C'était une vanne de 2018, ça sort. Enfin, une vanne. Un truc sur 2018 sur Twitter, tu sais, dès qu'il y avait une actu qui concernait un chien. Donc, il disait genre, c'est mon ex ou quoi? Ah, c'est cool Twitter, putain, j'adore. Ouais, ça te manque ou pas? Oh, grave. D'ailleurs, je sais pas, alors ça, c'est un truc aussi que moi j'ai remarqué sur Instagram. Les chiens. Sont quand même mignons. Ouais. Et des fois, ils font des trucs un peu rigolos. Quoi. Ouais. Alors, tiens, parce que c'est peut-être pas 2018, mais c'est quand même dans l'air du temps. On est d'accord que les chiens ont pris la place des chats sur Internet. On a gagné largement. Ouais, je crois aussi. Largement. Ouais. On a tout niqué aussi. Parce que il y avait vraiment une époque où c'était la blague. Oh, Internet, c'est des chats, non? Lolcats, du coup. Voilà. Et là, les chiens sont. Blague qu'on a. Les chiens sont partout. Les chiens ont gagné. Pris au bras le corps dans les Webcoming Awards, d'ailleurs. Okay, Lolcats. Bah du coup, qui a son émission sur Netflix? C'est hyper décevant d'ailleurs. C'est les chiens. Vous voulez voir les chiens? Ouais, si, moi j'ai bien aimé la SPA. Ah, je l'ai pas vu encore celui-là. Ah, très mignon. Attends, le premier, t'as pas aimé? J'ai trouvé que. J'ai chialé. Ah non, mais après, oui, j'ai été ému. J'étais ému, mais est-ce que tu t'as pas senti au milieu du truc, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont pas casté la bonne fille? Ouais, il y a un peu ça. Parce que, en fait, vraiment, tu vois le caméraman, t'imagines vraiment qu'il fait un double take sur la gamine, tu fais. Bah, elle est beaucoup plus mignonne. En fait, ils ont suivi une qui a un problème d'épilepsie et à un moment, en fait, on l'a su pendant toute la première partie du truc. À un moment, elle va dans un centre. Elle va jour 2. Elle va dans un centre. Et là, en fait, il y a plein d'autres enfants malades avec des différents types de maladies. Et c'est vrai que t'en as une. C'est Pixar. Qui est hyper photogénique. Tu vois, elle est marrante, elle danse, elle est mignonne, elle est attachante. Et d'un coup, le mec, il filme quasiment plus qu'elle, alors que c'était pas du tout elle qui voulait filmer au début. Il filme même plus de chien d'ailleurs. Et dans la deuxième, sur la Syrie, tu rends quand même une meuf dont l'asso, c'est quand même de s'occuper d'exfiltrer des chiens en Syrie, quoi. Tu te dis, comment tu t'es dit, il y a plein d'hommes en danger, tu vois. Non, je vais plutôt m'occuper des chiens en fait en Syrie. Arrête de spécisme en fait. Ouais, ils sont pas fichés S, les chiens. Ils sont fichés LES. Oh la vache, c'est magnifique ça. Allez, numéro 2. Allez, 1, 2. Le Floodcast Ciné 2018. Et on finit avec le top 1 à la manière de Fortnite. Je sais pas si vous connaissez le jeu vidéo. Le Battle Royale. Griezmann. Qu'est-ce que ça peut être du coup? Le top 1 d'abord. Elle est super. Il s'agit de Three Billboards. Je l'ai vu deux fois. C'était bien. C'était très bien. Très bien. Très bien. Très, vraiment très super. Bon film. Non, mais ouais, film qui nous apprend qu'on peut être raciste mais sympa. Au voilà. Three Billboards. Là, c'est vrai, bah c'est le cas de pas mal de joueurs. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'était un peu la même chose. C'est vrai, c'est vrai. On a bien hâte de voir la suite d'ailleurs. Le bon Dieu. Mais d'ailleurs, on fera un podcast en direct de l'UGC avec des petits micros et on commentera. Incroyable. Bah écoutez, voilà, j'avais le top album aussi. Je vous dis le top 5. Ah bah. Ouais, c'est Seven de Beach House. Ah, je l'ai pas trouvé terrible. Lithopédion de Damso, 4ème. Oh, Lithopédion. Non, Lithopédion. Moi, je pense que je connais rien. Little Dark Age, MGMT. Ouais. Wow. Gze, Vald, seul que j'ai écouté. C'est un album de quoi? De Sens Critique. Pardon, quoi? Waouh! Oh, l'élitiste, ça va ou quoi? Non, mais il y a. Fin... Et le premier, à votre avis? Orelsan. Je peux pas savoir. Non, c'était en 2017. Allez. Ouais. À l'indice. C'est... Je sais pas pourquoi j'essaye de. Si, tu peux trouver. Et Kanye West. Quoi, c'est ça? Kanye West et Kid. Bah, Bouchetti était déjà 100 fois mieux dans les trucs de. Kid Seagulls. Il y avait Janelle Monáe qui a fait un bel album, Casey Musgraves. Mais le top après, de, va brûler Sens Critique en fait. Le top de Last Weekend, putain. Le top de NPR, qui est la radio publique américaine, NPR. et qui est 100 fois mieux que la radio publique française. Ils ont vraiment des trucs un peu avec du goût. Enfin, c'est très cool ce qu'ils font. Ils font le Tiny Desk. Le top qu'ils font, le top 50, les 10 premiers, c'est 10 meufs. Et c'est 10 albums sur mes. Donc, ça, c'est pas juste du forcing. Woke. Ouais, il est full woke. Je suis tellement woke, mon gars, qu'on peut cuire des petits légumes. Tu sais qu'il est tellement woke qu'il se la ramène. Oh! Eh oui, non, c'est bon, super. Je l'ai trop bien. Bah, t'adores la bouffe donc. Ouais, ça doit bien te faire marrer ça. Mais oui. Bah, et Thunder Road, dont t'as l'affiche ici, Flair, pour moi, c'est un de mes films préférés de 2018. Top. Ah ouais, moi aussi. Top. Meltdown, le film. C'est vrai, c'est que ça. Et moi, au début, j'étais genre, ah, ça va être top et tout. Et après, très vite, ça m'enlève toute mon âme et j'adore. Sur IMDb, il est classé dans comédie dramatique. Peu de comédie. Je peux prévenir les gens si vous comptez de regarder. Trigger warning, vous allez peu vous poiler. C'est vraiment un burn-out d'une heure et demie. Voilà, voilà, j'ai trouvé ça fabuleux. Et le mec est incroyable. Auteur réel, tout. Ouais, tu te balèzes. Ça a coûté rien. Enfin, c'est des films qui sont un peu. Parce que nous, on est entre parisiens. C'est des films qui sont un peu plus difficiles peut-être à avoir dans certains coins de la France. Oui. Mais aujourd'hui, grâce à iTunes et grâce à toutes ces choses, il va être, je pense. Et sur YouTube, il est dispo sur YouTube là. Ou même en France? Parce que j'ai vu des tweets passer où il dit je me demande s'il y a un distributeur français. Normalement, la France distribue d'une autre façon. Ah, sinon, prenez NordVPN. La chronologie des médias, on en parle. Ne m'en parle pas. Ouais, non. Et enfin, pour terminer, il y a eu quand même beaucoup de décès cette année. Ouais. Et je voulais vous faire un peu réagir pour finir sur une bonne ambiance. Non, moi, je voulais. Alors, attends, pardon, parce que je voulais. Si c'est la dernière rubrique, je voulais parler d'un truc. Parce que là, il y a eu les procès de Jawad. Ouais. Non, mais c'est pas une blague parce que Moi, il y a un truc qui que alors j'ai pas suivi de près. Ah oui, c'est vrai, c'était 2018 le procès, bien sûr. Les deux, enfin, il y a eu le deuxième récemment. Où tout le monde s'est foutu de sa gueule. Et tout le monde se fout de sa gueule et tout le monde dit. Ah. Alors moi, déjà, il y a un truc, c'est est-ce qu'on est d'accord que ou alors je suis juste j'ai pas assez bien suivi l'affaire. Est-ce qu'on est d'accord que c'est possible que le mec était pas au courant? Ah oui, de ouf. Parce que moi, je vois tout le monde. Bon, déjà, il y a eu toute la France entière qui s'est foutue de sa gueule, genre oh, genre je savais pas et tout. Mais en vrai, on te dit tiens, tu peux héberger deux personnes. Il y a totalement moyen que le mec. Surtout quand t'as sa vie à lui. Enfin, ouais, enfin, je sais pas. Genre. Ouais, de ouf. Et maintenant, il y a ces procès où le mec est. Bah, c'est donc ce. Genre, on parlait de Thunder Road, le mec est complètement en train de péter un plomb. Mais voilà, clairement. De façon assez compréhensible en fait, surtout si, il est en isolement, si jamais il est innocent quoi. Mais en plus, il est en isolement depuis. Il est en isolement tout le temps en fait. Ah ouais? Ou quasiment la moitié du temps. Et donc en fait, faut déjà s'imaginer que quasiment quand il arrive au procès, il a vu personne de physique depuis 3 mois. Donc, ah ouais? Et je sais pas, il y a un. Bon, mais c'est je suis ouf. D'accord. Parce que moi, je vois un traitement oui, où les gens disent ouais, en fait, il est juste complètement taré ce mec et tout. Et tu dis bah. Oui, et en même temps, enfin tu vois, moi j'ai lu le rapport de son deuxième procès où ils disent que le mec il fond en larmes et ils sont obligés de faire une pause et il revient et tout, et en fait tu te dis mais il est, enfin, c'est horrible en fait quoi. Il y a vraiment un truc de genre on se fout de, déjà bah c'est un peu de notre, enfin tu vois, il y a eu tous les mèmes et tout machin. Bah derrière le mème il y a un cœur finalement. Ouais ouais, non mais c'est vraiment pas, parce que qu'on peut tirer des mèmes en non, général. Non mais parce qu'il y a eu pas mal de mèmes américains qui ont détruit des gens et tout, et je sais pas, moi je suis pas un grand connaisseur de mèmes parce que j'aime mais pas, on va le recevoir d'ailleurs, Loïc, tu es un grand connaisseur de mèmes, je crois. Oui, alors bon bah j'adore les mèmes. Est-ce que tu peux rendre l'argent, Loïc? Ouais, je suis pas Fillon, je connais les mèmes, hein, donc vous m'aurez pas là-dessus. Non, et non mais je sais pas, est-ce qu'il y avait eu, je sais pas s'il y avait déjà eu ce précédent, quelqu'un qui s'était fait comme ça. Bah Star Wars y a eu deux. Kid, en vrai il était, non mais en France je veux dire. Ah, ouais. Parce qu'il y a eu lui et il y a eu un peu le mec après, le non binaire Jonathan ah oui, c'est, j'allais en parler, ça fait partie des, il a fini dans l'héroïne et il va pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il est jeune et qui attend. Ouais, ouais bien sûr, là, ça va pas. Non mais lui pour le coup il était célébré quoi. Ouais. C'était, on se moquait pas trop. Après je crois il s'est radicalisé et il est chez Daesh. Non mais voilà, mais non, c'est juste... Non mais là il disait effectivement le mec qui dit qu'est-ce qu'il faut dire que je suis un homme. Lui il s'est fait un peu oui. Bah là c'était un peu. Quand t'es dans le générique du quotidien du petit cul, c'est que quelque part ta vie a été horrible. Ouais. Si t'as dépassé le petit cul du que je déteste, ça, qui t'a chié sur des trucs. Le petit cul, la rubrique petit cul de quotidien, quel je la trouve d'une violence. Que je connais pas. Il parle d'actu, mais il a un peu un humour un peu à l'ancienne. Le mec qui fait ça, donc c'est pas du tout Yann Barthès, c'est le mec, je sais pas comment il s'appelle. Et un peu, c'est que des blagues sur Kim Kardashian. T'es pas un peu une pute? Enfin, tu vois, je caricature, mais il y a un peu ce truc-là bizarre de Nicki Minaj qui se plaint d'un truc, il fait oui, enfin, elle se plaint, et puis regardez. C'est Willy Papa. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Et elle fait rebondir son cul, et c'est genre, lui aussi qui fait les trucs sur les métalleux, sur les fans de Japanime. Ouais, mais moi, il y a un truc un peu, il prend un peu de haut la pop culture, mais dans le sens pop culture d'aujourd'hui, pas la pop culture Stranger Things de 2018. Quoi. Moi, je trouve que c'est un peu le. Enfin, à l'époque c'est quotidien, puis même avant le petit journal, ouais. Je trouve que c'était ça en fait. C'est-à-dire que tu prends. Je sais pas, je trouve ça plus mesuré. Et avec le montage, tu gardes que les moments où les gens ont bafouillé, où on dit un truc, et tu fais regardez comme ils sont cons les syndicalistes. Et tu fais bah oui, t'as monté. Ils avaient fait là avec. Genre ils ont passé leur vie, enfin leur vie, ils ont passé, dès qu'il y avait un entraîneur de foot étranger, ils faisaient des compiles des mots qui disaient pas bien en français, et en sous-titrant, tu sais, littéralement en fait, tu vois. Avec les fautes d'orthographe, Yeshui, machin, ils mettaient Y-E-C-H-O-U-I, tu vois, donc vraiment nul à chier. En plus, t'as un mec qui vient de ton pays, qui a appris ta langue et qui essaie de la parler, tu peux que le célébrer, ce truc-là, surtout pour la France où personne ne parle déjà bien anglais, donc tu vois, c'est nul. Ouais. Quand Mélenchon a fait sortie, ils ont fait un truc, genre. C'est immonde de se moquer des accents des gens, tu vois. Tu dis mais vous êtes des malades, vous êtes cinglés, vous avez un problème. Benalla, l'été cet été, c'était fou quand même. J'allais vous dire, affaire Benalla, garde génial. Du corps de Macron qui se déguise en flic pour tapasser. Non mais sur Twitter, j'étais trop heureux, ouais. Franchement, sur cette période de Coupe du Monde Benalla, il y avait un autre truc à côté. Ah bah attends, c'était génial. On y vient. L'été 2018, la parfumerie. Ah, puis Boubacaris. La baston Boubacaris. Ah, c'était tellement bien. C'était cet été, évidemment. Ah, c'était un bel été, franchement. À ce niveau-là, sur Twitter. Ouais. C'est vraiment dommage qu'il y ait eu les gilets jaunes à la rentrée. Ouais, ça a cassé toute la bonne ambiance. On oubliait presque qu'on était sous un gouvernement de droite. Mais Benalla, c'était génial. Ça, c'est une belle histoire. Mais qu'est-ce qui était génial pas les blagues. Non, mais il y avait des blagues, il y avait une espèce mais de. Mais côté feuilleton assez passionnant. Trop bien, quoi. Mmh. Oui, il allait de pire en pire, en fait. Oui, oui, et même sur la fin, ça allait tellement loin, ça allait tellement loin que les gens ne réagissaient plus. Ouais. Tout le monde est passé très vite sur la photo où il sort un gun et qui braque une meuf pour la blague, alors que c'était un peu fou quand même comme photo. C'est que les gens rien que ça, ça aurait mérité les gilets jaunes. Enfin, juste ce truc-là, tu vois, sous les mains. Incroyable, c'était génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tu voulais les gens morts. Oui, parce qu'une année un peu triste. Alors, je vais commencer par ceux qui étaient peut-être un peu plus âgés, donc on peut un peu plus comprendre. On va commencer avec, je pense, un des plus emblématiques, Charles Aznavour, qui était décédé. Et Johnny. Petit ange parti pas très vite. Ouais, il a pris son temps. Petit ange parti doucement. Ouais, avec des fans d'Aznavour autour de la table. Ouais, j'aime beaucoup. Moi. Ouais. Bah, qui a fait des posts Instagram pour célébrer donc. Ouais. Juste là, J'en ai fait un sobre, non? Oui, non, mais je veux dire, c'est juste c'est pour dire qui est vraiment fan, c'est pour ça. Ouais. Non, fan, parce que t'écoutais quoi? T'étais... Mais on n'est pas du tout dans la moquerie en plus. Là, Charles? Non, c'est vraiment Adrien. Il parlait pas comme ça. Il disait. Il chantait comme ça, mais. Les étrangers, il faudrait les filtrer. Non, je mets bien. Il a dit ça. Il disait que les migrants, faudrait quand même les sélectionner. Tout, ah, bon vous aviez quand même fait parler. Bah, c'était dans sa chanson. Non, mais c'était dans sa chanson Les Migrants que tu peux nous interpréter, peut-être. Je regarde la frontière, tous ces gens qui nous envahissent. Et je me dis, en tant que nation, il faudrait qu'on les choisisse. Voilà. Donc, c'était assez explicite en fait. Voilà, donc c'était. C'était une de mes préférées, si tu me demandais tout à l'heure. Non, mais sérieusement, il avait dit un truc comme ça, où il y avait toutes les histoires des migrants et tout, et il disait qu'il faudrait choisir ceux qui sont utiles, je crois, un truc dans le genre. Ah oui. Mais qui d'autre? Non, mort de France Gall. Putain, c'est vrai. Voilà. La chanson française, on a pris un coup. Mais surtout qu'il y a Johnny, c'était fin 2017 en plus. C'était, ah ouais, assez c'était juste avant Téléthon. Avant Téléthon, ouais. Ah putain. Higelin. Ouais. Higelin 2018. On quitte la chanson pour Stephen Hawking. Oui. Exact. Voilà. Il y a eu aussi le président du Groland, Christophe Salengro. C'est vrai. Parce que c'était tout un symbole. Bah, c'est vrai qu'à part le président du Groland, je savais pas trop ce qu'il faisait. Il était danseur. Ouais, danseur et même comédien. On l'a vu dans des trucs. Mais vraiment danseur contemporain. Mais c'est vrai que je vais pas mentir. Pour moi, c'était le président du Groland. Donc c'est plus le symbole de ce qu'il représente qui était. Et moi, pour info, pour moi, ça reste Big Ear dans le film Les oreilles entre les dents, qui est un très vieux film que je pense personne n'a vu, mais moi que j'étais allé voir au cinéma, et c'est la première fois que j'avais vu ce gars. Il jouait un flic qui s'appelait Big Ear. C'était assez avec Tupac. Non, mais, en vrai, il était assez chelou ce film, j'aimerais bien le revoir. Tiens, je vais me noter de. Mais oui, moi, non, mais c'était un polar français hyper chelou avec des blagues. Il était venu Oh putain, en termes de polar chelou avec des blagues, enfin, pas de blagues pour le coup, j'ai découvert Garde à vue 30 ans plus tard, et bah c'est super, avec Michel Serrault et Lino Ventura, incroyable. Pardon, j'ai divagué. Et Les recoupes c'est au début de l'épisode. Oui, je suis désolé, j'ai fait maintenant. Philippe Ross, l'auteur, qui avait fait. Moi j'ai lu Portnoy, qui était vraiment bien, et j'avais commencé à noter, j'avais pas fini parce que je suis nul en lecture. Ouais. Et j'ai noté aussi Pierre Bellemare. Voilà. Tout un symbole aussi, encore une fois. Et Milos Forman. Et Milos Forman, c'est vrai que moi ça m'a rendu triste parce que c'était quand même ça faisait longtemps qu'il faisait pas de cinéma, puis il était quand même lui aussi très vieux, mais c'est quand même un très très très très grand metteur en scène puisqu'il avait fait Amadeus. Vol-tu dans le coucou. En fait, il a enchaîné à un moment, il a quand même enchaîné que des classiques cultes. Il a fait Hair, Vol-tu dans le coucou, Man on the Moon et Larry Flint. Putain, c'est vrai que Man on the Moon, c'est lui aussi. Ouais, que des films de ouf. Et je l'avais déjà dit dans un podcast, mais pour moi, c'est le héros de Jack and. Jim and Andy. Le truc sur Jim Carrey qui pète un câble. C'est Milos Forman qui arrive à faire un film de ouf avec ça dans les pattes. Jim Carrey complètement malade. Ouais. Bah, un grand réal pour réussir à avoir. C'était l'année de cul ou pas? Je crois que c'était l'année d'avant, je crois. Ah ouais, putain, mais le c'est temps. C'est une vitesse. Quand on s'éclate. Mac Miller, moi, ça m'a. Et j'allais venir, il y a eu pas mal de décès chez les jeunes en fait aussi, puisque la même année, il y a eu XXXTentacion, Avicii et Mac Miller. C'est les trois. Davichi Code. Davichi Code. Non, le documentaire. Mac Miller, parce que en fait, parce qu'il venait de faire un album en disant ça va mieux en fait, je suis sorti de ma dépression, et ça montre un peu que bah, en fait ça va pas toujours mieux. Mais et je trouve que Avicii c'est un peu le même délire d'ailleurs. Ouais, que la Avicii, fin du documentaire, pour le coup, il s'en cachait un peu plus. Mac Miller était plus physique. Mais la fin du documentaire d'Avicii sur Netflix, c'est vraiment oui, c'est vrai. Je vais me relever les manches et je vais y arriver. Et non. Ah parce que Avicii c'était, j'ai pas, moi je connais pas déjà donc, mais il était dépressif aussi. Non non, c'était un, il avait un problème au niveau du foie. D'accord. De la tease. Ok d'accord. Et puis son manager l'a poussé de ouf. Work alcoolic aussi un peu. Mais Mac Miller en fait, et aussi ça m'a, en fait, je me suis rendu compte en parlant avec des gens autour de moi, parce que Mac Miller est mort d'une overdose, que beaucoup de gens pensent qu'une overdose c'est une fête qui a mal tourné. Ouais. Oui. Alors que j'essaie d'expliquer, il y a plein de gens qui disent non, plutôt pour un mec comme Mac Miller qui est consommateur très régulier de drogue, quand tu fais une overdose, c'est juste qu'un soir t'as choisi d'en prendre plus en fait, et donc t'as choisi de te suicider par la drogue. C'est un suicide. Et, vraiment, je disais, il y avait vraiment un mec sur Twitter qui m'a fait genre, connard, et la drogue c'est quoi? Tu crois que c'est pas un truc, c'est un truc fun et tout. Ouais, non, enfin si, tu dois pas être un très bon pote avec tes potes. Alors si tu considères que c'est pas une maladie de, tu vois, c'est juste c'était un symptôme, tu vois, la drogue, et c'était un symptôme de sa dépression. Il l'a traité par la drogue, mais oui, juste un soir, il s'est dit bah non, en fait, lâche l'affaire. Ouais, et ouais. C'était, je trouve ça assez, moi ça m'a, et le pire c'est ce qui arrivait suite à Ariana Grande, son ex, les qui a tout pris dans la gueule. Ah ouais. Elle Salané aussi, hein, parce que Léa Salané, toujours. Sur ces belles paroles, nous allons nous quitter, un peu à la manière de tous ces gens de avec la terre. Le créateur de Bob l'éponge aussi qui est décédé. Oui, c'est vrai. C'est l'enfance ruinée. Non mais ils ont fait pour le coup un montage Nickelodeon, une espèce d'hommage avec un, pas un best-of, mais les, je sais pas, les moments où Bob l'éponge fait des trucs qui peuvent avoir rapport avec le remerciement ou l'imagination ou la création, et c'était assez touchant. Et c'est marrant parce que c'est vraiment, pour le coup, Bob l'éponge, c'est, on rigole de ce mot et tout, mais c'est assez woke quoi. Parce qu'il y a dedans, tu vois, un épisode où en fait il dit, je fais vraiment une parenthèse un peu longue, mais il dit qu'il va aller voir sa grand-mère, et mais que sa grand-mère elle le prend pour un enfant, donc il va être un homme. Et Patrick il lui dit alors pour faire être un homme, et là il se fout de la gueule de la virilité. Et j'étais là genre ah putain, j'avais jamais fait gaffe, mais c'est vraiment cool, tu vois. Mais tout le film un peu, en plus le premier film Bob l'éponge parle de ça, et c'est vraiment bien. Mais Bob l'éponge c'est vraiment vraiment très très cool, hein. Enfin ça et c'est resté cool. Ouais, c'était un peu pas plus enfantin, mais c'était un peu le côté Simpson. De ça t'amenait des problèmes de société avec des blagues débiles de mec qui se prend des murs, et non, c'était super le Bob l'éponge. Non, je voulais fermer parce que je crois que tu es en retard, mon bon Guillaume, pour aller, parce que le mec est stand-upper. Tous les gens de Curious Cat, on vous fait des bisous, merci à tous de nous avoir écoutés. Est-ce qu'on, sinon on continue sans Guillaume, hein? Ouais, vous pouvez, hein. Non, mais de toute façon, faut qu'on fasse aussi un petit petite intro podcast pour une autre émission, pour ce spécial Téléthon. On l'annonce là. Non, on le fera tout à l'heure, mais j'en profite parce que ça, ce sera celui de bonus à cet épisode-là, en gros. Okay. Mais voilà, un épisode que vous pourrez payer le prix que vous voulez. Mais on va faire un autre épisode dédié à ça, beaucoup plus court. Merci à tous. Dernier petit tour de table. Pierre Lapin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Surtout Pierre Lapin Twitter réseau, Twitch.tv, le club officiel, Monsieur Pierre Lapin sur YouTube aussi, plein de conneries qui arrivent, et la fameuse vidéo 365 secondes comme tous les ans. Oui. Qui arrive lourd. T'as tenu toi? Ouais, moi j'ai tenu, elle sera moins bien, car vraiment tous les soirs j'oublie et je fais ah il est 23h, faut vite que j'en trouve une. Et il fait la sienne, y a la Guillaume qui y pense par exemple, et moi je ne peux pas. Et ouais, elle sera moins bien, c'est beaucoup moi dans la rue seul. Ça va être pathétique. Il y a plein de fois où j'oublie en fait. Bah là par exemple, tu l'aurais pas fait, j'aurais oublié, je vais la faire, j'en faire une. Il faut se mettre des mémos, faut se mettre des trucs. Non mais quand tu vois des gens en fait, des fois j'y pense après, je rentre de soirée, je fais merde, mais il est 23h40. Merde, Cyril, j'aurais dû faire avec. Tu vois, il y a plein de choses qu'on oublie. On est des cons. Mais ouais, donc voilà. Sur Twitch et je vous fais des bisous. Guillaume, moi tout pareil que Pierre sur le club, et sinon Bouffon podcast, un podcast si vous aimez la bouffe, sur la bouffe. Et l'étage marrant. Et l'étage marrant, ouais, venez vendredi, samedi, dimanche 20h, c'est gratos. C'est à quel au Barbès? C'est au Brasserie Barbès, dernier étage. C'est ça. Et tu fais ça jusqu'à quand? T'as une deadline ou pour le moment? En fait, le truc c'est que comme c'est une verrière, c'est pas une cave pour le coup, c'est dans un étage. Quand t'arrives à peu près à avril, il commence à faire jour assez tard et ça devient compliqué de faire des soirées stand-up à 20h parce qu'il fait jour, et quand il fait jour, en fait, il y a un truc dans le stand-up où les gens ont quand même besoin d'être un peu dans l'intimité pour bien obscur. Ouais, c'est exactement. Et donc du coup ça marchait moins, donc on se dit qu'on arrêtait, donc là ça va durer jusqu'à avril mai je pense. Ok, super. Bon, bah voilà, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas. Et avec Adrien, on vous fait des gros bisous. Voilà. Bisous, ciao, bye. Joyeux Noël, bonne année. Ne dis pas aux copains que je t'aime plus que tout.